Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. 'Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh. We go, we go, we go, we go. Oh, oh. 'Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh. We go, we go, we go, we go. Oh, oh. Give me the green light. Voilà. Il te le fait bien là, dès le réveil, le nouveau Ready to Go Florida avec Pitbull. Tu te réveilles, t'as ça, t'es content? Mais grave. Regardez, je suis content. Bon, après, je suis pas réveillé depuis 5 minutes, hein, on va pas se mentir, ça fait une bonne heure et demie déjà. Mercredi 14 septembre, bonjour la famille, j'espère bonjour. Que ça va bien. Bonjour. L'équipe de Bruno dans la radio, bonjour. Là, on est là, on est au taquet, bonjour. On va arriver chez vous, là, tranquillement. On s'occupe de tout, du petit-déj, oui. On vous coiffe, on vous nettoie, on vous sèche, on vous habille, on vous met dans les transports en commun, on vous dépose au bureau, on vous dépose au lycée, au collège, et vous êtes bien, vous avez une belle journée. On vous dépose pas devant le lycée, on vous dépose au feu rouge juste avant pour pas vous mettre la honte devant les copains. Bien sûr. Ah, pas de soucis. Jonas Blue pour attaquer l'émission là dans quelques secondes. Perfect Stranger, 6h10. Il y a un toutou gagné, toutou perdu qui s'annonce. Téléviseur LED à gagner, PC portable notamment. Zara Larsson et Mindfault ou encore Bob Sinclair. Someone Who Needs Me. C'est le prochain programme de la demi-heure. J'allais dire, c'est le prochain programme de la demi-heure. C'est le prochain, ça donne. Eh ben, c'est le prochain, les amis. Demandez le prochain. On arrive après les news. On radio. Le son. Dance. Floor. Les infos de ce mercredi, c'est le 14 septembre, c'est Maxime Poulaouec. Bonjour Maxime. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va revenir sur la météo, météo qui a été compliquée avec des inondations, notamment en Bretagne cette nuit. Oui, ça va continuer dans le sud aujourd'hui. 4 départements du sud en alerte orange inondation, l'Hérault, le Gard, la Lozère et l'Aveyron. Il va continuer de pleuvoir sur la moitié sud aujourd'hui avec pas mal de vent. Plus on ira au nord, plus le ciel se dégagera, notamment près des frontières de la Belgique. Il fait 15 à 20 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 20 à Bordeaux, 21 à Perpignan, 22 à Tours, 25 à Lyon, 29 degrés à Paris encore et 31 à Reims. Et les conditions météo ont donc provoqué des dégâts, notamment dans l'Ouest. Ce matin, 120 000 foyers sont privés d'électricité entre les Pyrénées-Atlantiques et les Charentes après le passage d'un fort épisode orageux. Les agents du RDF sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois pour des arbres sur la chaussée et des caves inondées, mais pas de victimes. Un accident mortel sur le plus gros navire du monde. Un canot de sauvetage de l'Harmony of the Seas s'est décroché hier dans le port de Marseille pendant un exercice de sécurité. Le bilan est lourd, un mort et 4 blessés. L'embarcation a fait une chute de 10 mètres avec 5 personnes à son bord, toutes des membres de l'équipage. À 10 jours pour venir en aide aux 400 salariés, le gouvernement va tenter dans les prochains jours de trouver une solution pour les employés d'Alstom à Belfort. L'avenir du site est menacé d'un transfert massif. C'est un dossier empoisonné pour l'exécutif à 8 mois de la présidentielle. Le football, Paris rate son entrée en Ligue des Champions. Le PSG a été accroché au Parc des Princes hier soir, un but partout contre Arsenal. Cavani est le buteur parisien. Ce soir, deux autres clubs français entreront en lice à 20h45. Tottenham contre Monaco et Lyon face au Dynamo Zagreb. Au jeu paralympique, nouvelle médaille d'or pour la France. Fabien Lamiro s'est imposé hier soir en tennis de table, 12e médaille française. 6h02, bon réveil avec toute l'équipe de Bruno sur Fun. Bruno on Fun Radio. Mercredi, c'est le 14 septembre, et c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 6h03. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir choisi Fun Radio là pour vous réveiller. C'est peut-être votre première fois ce matin, c'est une expérience de vie. Vous levez la truffe. Vous sentez ce qui se passe autour de vous, vous voyez des gens qui sont là. Et vous vous dites qu'ils ont l'air accueillants, venez, approchez-vous. Et il n'y a aucun risque, vous ne prendrez pas une cartouche. Voilà. Façon de parler, bien sûr. Jonas Blue pour attaquer l'émission dans quelques secondes et toute l'équipe de Bruno dans la radio qui est là ce matin. Il y a Christina. Bonjour. Regardez comment elle souriante, Christina. Et pourquoi elle est souriante? Parce que hier, on a dit qu'elle avait changé de coupe de cheveux. Oui. Et hier, elle a fait un petit achat. Ouais. Un petit achat pour se coiffer, pour avoir les cheveux un peu dans le vent. Je lui ai dit ce matin, je peux vous dire, je l'ai refaite pour la journée. Non, mais ça m'a fait plaisir parce que c'est un vrai investissement, c'est un vrai cadeau que je me suis fait. C'est le Secret Curl de Babyliss. Okay. Je vous en avais parlé hier, j'avais regardé des tutos. Bon, voilà, j'ai craqué hier. C'est vrai? D'ailleurs, j'embrasse le vendeur de chez Darty qui nous écoute tous les matins. Et, voilà. Et toi, tu connais ça, Bruno? Eh ben non, mais je l'ai vu ce matin. J'ai dit, oh là là, mais t'as les cheveux dans le vent, tu vois, le genre de phrase que je pourrais pas dire arraché, par exemple. Ouais, j'ai déjà utilisé le Secret Curl. Qui donne des beaux effets, mais pour que vous le voyez, il faudrait que j'enlève mon slip. Va chier en grande forme. Elliot, ça va bien? Oui, ça va. Moi, je suis un peu dans un désert capillaire et barbare. Je ne me les suis pas coupés depuis à peu près 500 ans. Non, ouais. La barbe, c'est bien. La barbe, c'est très bien. Les cheveux, oui, ça mériterait un petit rafraîchissement. Bien, figurez-vous que je vais chez le coiffeur ce soir. Merci. Hey, et vraiment... J'ai l'impression qu'on attaque l'émission avec un sujet d'intérêt national. On va peut-être pas tout dire. Genre, tu voulais parler de ta manucure, je crois, non. Bruno. On va en parler à 7h pour garder un peu de suspense pour les gens, quand même. Bon, les amis, on a une grosse émission une nouvelle fois ce matin. Et jusqu'à 9h15, le maître mot, comme chaque jour, c'est « ça sera toujours pas pareil ». Tous les matins, nous essayons de faire une nouvelle émission pour que vous ne vous lassiez pas, pour pas que vous veniez sur Fun Radio en vous disant « ah ok, d'accord, et comme d'habitude ». La preuve, c'est que dans moins d'une demi-heure, nous allons lancer un Bruno dans ton couple. Vous voulez tester votre couple? Venez le faire chez nous. On a un garçon qui nous parle de sa meuf en antenne ou une meuf qui nous parle de son mec en antenne. On appelle la deuxième partie du couple et on fait un comparatif à des questions, d'accord? C'est un peu le questionnaire de texte dans les amours, on va pas se mentir, mais un peu plus marrant. Quoi. Version Fun Radio, quoi. Un peu plus trashos. Répondant des enfants ce matin parce que c'est mercredi. Et puis côté cadeau, on a ce qu'il faut, les amis, pour vous ce matin. Un nouvel iPhone 7 qu'on va vous offrir avant 8h, là, aujourd'hui. Il vaut 769€. Il sort vendredi, le nouvel iPhone. Vous le gagnez ce matin et vendredi, il sera livré directement par Chronopost chez vous. Et puisqu'on parle de cadeaux, là, dans moins de 10 minutes, votre PC portable, votre télé écran LED, votre enceinte Philips Bluetooth et votre casque Bruno dans la radio, ça va partir chez vous, 3228. C'est le numéro de téléphone pour nous joindre depuis la France, 02 85 10000 depuis la Belgique. Et comme chaque matin, c'est un auditeur de Fun Radio qui est justement appelé le 3228, qui est l'auditeur du jour, celui qui sera prioritaire devant tous les autres jusqu'à 9h15, c'est son émission et aujourd'hui, c'est l'émission d'un Bordelais. Il a 17 ans, il s'appelle Mickaël. Applaudissements pour Mickaël. Ouais. Bonjour. Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. Mickaël, 17 ans, étudiant à Bordeaux. Oui, c'est ça. T'es en quoi? T'es en terminale? Ouais, je suis en terminale, en bac pro, système électronique numérique. Ok, très bien. Ça se passe bien? Rentrée sympa? Ouais, ça va. Ça bon prof, bon pote dans la classe. Ouais, franchement, tout est cool. Et bah, tu sais quoi? C'est la base, voilà. Bon spot de bar pour quand tu sors du lycée ou pas? Ouais, hein, franchement. Très bien. Tout se passe bien. C'est les trucs importants quand t'arrives, c'est ça. Tes potes, les profs cool et l'endroit où tu peux te retrouver à 17h pour boire une bière. Ouais, vraiment. Ouais, c'est sûr. Bon, Mickaël, c'est ton émission ce matin, d'accord? Jusqu'à 9h15. Et quand c'est l'émission d'un auditeur, il a un petit privilège. Il peut poser une question à un membre de l'équipe. Voilà. Et cette question, on est obligé d'y répondre. Question pour qui ce matin, Mickaël? C'est pour Elliot. Elliot. Ah, très bien. Alors la question c'est, est-ce que tu t'es déjà curé le nez pendant que tu conduisais? Alors hey, les amis, la question du jour, on a lancé ça à la rentrée. Va falloir que vous posiez des questions qui sont susceptibles d'intéresser la terre entière. Parce que est-ce que Elliot s'est déjà curé le nez pendant qu'il conduit? Très honnêtement, moi j'écoute Fun Radio, j'en ai rien à foutre. Bon. Je dis, hein, puis surtout, quand on connaît Elliot, on sait déjà malheureusement la réponse. Ouais. Hein. Peut-être qu'on faudrait lui poser la question, Elliot, quand ne te cures-tu pas le nez? Comme la plupart des Français, oui, bien évidemment, je me suis curé le nez en voiture. Voilà. Et j'adore ça. Je l'accroche sous le siège ou pas? Non, non. Après, regarde, tu vas m'engueuler, je suis de l'école de je le mange. Merci. Oh. Ah oui, bien évidemment. Bon petit appétit, bien sûr. Mickaël, c'est là que tu voulais nous emmener. Je ne te remercie pas. T'attaques les cours à quelle heure, Mickaël? Dès 8h. D'accord, dès 8h. Bon, hé, Si t'as des questions prof, pas des questions de merde comme celle-ci. Hein. Ça roule. Je te fais confiance, moi. Le but, c'est que t'aies ton bac à la fin de l'année. C'est vrai. Je t'embrasse. Bisous. Merci à vous. Ciao. Bon, vous êtes en couple. Est-ce que vous voulez tester votre couple dès le matin? J'ai envie de faire un brûlot dans ton couple avant 6h30. 32-28. Et puis le jeu des toutous gagnés, toutous perdus qui arrive après Jonas Blue. C'est tout de suite sur Fun Radio. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the language changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the language changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way, there's so much we can't explain. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe famille, mercredi, c'est le 14 septembre, Zara Larsson là qui arrive. Bon, t'as maté le match hier, Elliot? Ne m'en parle pas. Non, je rigole, mais on a raté beaucoup d'occasions, quoi. Paris a fait égalité avec Arsenal et on a bien les boules. Quoi. Moi, j'ai regardé que la fin. Mais j'ai vu l'égalisation, moi, d'Arsenal, en fait. Bah, on a marqué à la 45e seconde, quoi. On était tous encore en train d'être devant notre télé à dire, oh, bah, j'espère qu'on va marquer, j'espère qu'on va gagner. Et hop, après, on était tous sourires. Vous êtes un peu les éjaculateurs précoces du football. C'est ça. Le match commence que, ah, c'est beau, mais voilà. C'est déjà fini. Vous donnez du plaisir dans la première minute, et puis après, on n'entend plus parler de vous. Voilà. Et après, on a tout raté. Bon, allez, c'est Fun Radio, vous écoutez. Ben oui, mais l'avantage sur Fun Radio, c'est quoi? C'est qu'on est en direct, les amis. Voilà, vous pouvez le voir avec le live vidéo. On vous fait un petit coucou quand vous êtes sur l'application Fun Radio ou sur l'application Bruno dans la radio. Vous pouvez soit écouter en l'option audio, d'accord, mais, oui. Et si vous mettez sur option vidéo, vous écoutez et vous voyez en même temps. Non, mais on vous fait des bisous. Voilà, on est en direct. On a un beau physique de radio, en tout cas. Allez, on joue. Gagné, tout ou perdu de ce matin, c'est Alexia, les Marseillaises, c'est elle qui jouait ce matin avec nous, vendeuse chez Kiabi. Applaudissements pour Alexia. Bonjour, salut la famille, salut Bruno. Bienvenue sur Fun Radio. Salut tout le monde. Alexia, la mode à petit prix, Kiabi, c'est bien ça le slogan. Exactement. Je suis content de t'avoir, puisqu'on parlait de foot il y a quelques secondes, vu que t'es marseillaise. Ouais, est-ce que je peux poser une petite question à Elliot? Vas-y. Est-ce que tu trouves pas que le PSG a quand même très très mal joué hier, comparé à l'OM? Je t'en prie, balaye devant ta porte, j'attends de voir les résultats de l'OM, à très bientôt, on en reparlera. Non, mais on est d'accord, il y a eu une petite fessée hier soir, Elliot. Au moins, on est en Ligue des Champions, nous, madame. Allez, ouais. Maintenant, joue à ton jeu et laisse-moi tranquille. Excusez-moi, on est sur Fun Radio ou PMU? Parce que j'ai un autre. Dans ces cas-là, Alexia, tu sais ce que tu réponds. Tu dis oui, mais nous, la Ligue des Champions, on l'a gagnée. Voilà. C'était en 93. Eh ben oui, mais alors, et la France a gagné la Coupe du Monde en 98. C'est pas pour ça qu'on est moins fiers aujourd'hui. Hein, oui, ben. Voilà. Allez. Alexia, en arrivant sur Fun Radio, tu viens de gagner un écran LED Samsung 32 pouces. D'accord? Ouais. 32 pouces, on a l'impression que c'est une petite télé que tu poses dans la cuisine. Non, c'est une vraie télé, hein. 32 pouces, c'est le grand écran. Ah, ça PC portable. Pouces, mais bon. Exactement. Asus, le PC portable. Ouais. Ça, c'est la marque, hein. Je parle pas de pratique sexuelle. une enceinte Philips Rose et le casque Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi, d'accord? Ok. Maintenant, il faut que tu les gardes. Et allez, pour les garder, il faut répondre correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse, c'est un cadeau qui disparaît. Est-ce que tu es prête, Alexia? Je suis femme prête. Eh bien, c'est parti. Mon kiki. La position sexuelle préférée des Français et des Françaises est la position d'Andromaque. La position d'Andromaque, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu le sais, Alexia, sinon je vais te l'expliquer. C'est, puisque tu ne réponds pas... Elle est en train d'essayer peut-être. Quand la femme est assise sur le garçon qui, lui, est allongé. Ah. C'est ça la position préférée des Français. Personne et des te dit, allez, mets-toi en position Andromaque. Bah, c'est parce que vous ne connaissez pas par cœur le Kama Sutra. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Alexia? Non, je pense que c'est une bonne petite levrette. Oh, la coquine, okay. Bah, tu sais quoi, Alexia? Tu as raison. Ah, c'est la bonne réponse. C'est faux et c'est vraiment la levrette, la position préférée des Français. D'expérience. Très bien, on a compris. Alexia, calme-toi, nous sommes des hommes sensibles et il est tôt. S'il te plaît. Tu gardes tous tes cadeaux, c'est la deuxième question. La pâtisserie L'Éclair s'appelle ainsi car c'est mangé rapidement. Tiens, avant d'avoir ta réponse, de quelle team vous êtes? Moi, je suis team Éclair Café. Ah, pareil, team Café. Ah, dégueulasse, c'est pour les vieux, Éclair Chocolat, moi. Moi, je suis à moitié parisien et ils ont créé plein d'éclairs avec des goûts. Moi, je suis Éclair Fraise Tagada, c'est mon préféré. Oh là là, mais les nouvelles générations, mais je te jure, nous à l'époque, on savait manger, monsieur, à l'époque. Alexia, d'après toi, c'est vrai, l'éclair, c'est parce que ça se mange vite? Je pense que c'est vrai. Ouais. Alors, explique-moi l'origine du gland, du coup, comment ça mangeait en pâtisserie. Alexia, il faut que tu te mettes les fesses dans une baignoire d'eau froide. Hein. C'est clair. Ça s'appelle ainsi car c'est mangé rapidement, d'après le dictionnaire de l'Académie française. Je trouve ça fort. Troisième question, tu gardes tous tes cadeaux. Dans le chiffre 1 milliard, Alexia, il y a 10 zéros, c'est vrai ou c'est faux? Oh là là, 1 milliard, Alors, 1000. Alors, vu que t'es là-dessus, pense à 1 milliard de zizi. 1 milliard, non, il y en a 9. C'est une bonne réponse. Eh oui. Ah, bien joué. 9-0, tu gardes tous tes cadeaux. On n'est pas loin du sans faute, Alexia. Ça va se jouer sur cette dernière question. Il existe un roman entièrement écrit en langage SMS. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, je vais dire que c'est vrai. Exactement, tout génial. Je crois, ouais, trop bon. Alexia, je veux pas dire de conneries, mais je crois que t'es la première à faire un toutou gagné, toutou perdu la sans deuxième, faute. Hein. La deuxième de l'année, de l'année, ouais. Alors, tu gagnes donc l'écran LED, il est pour toi, d'accord? Ouais. Je rajoute le PC portable Asus, l'enceinte Philips et le casque Bruno dans la radio. On t'envoie ça très vite du côté c'est de Marseille. C'est top, c'est trop bien. Merci beaucoup, merci Bruno, merci la famille, je suis trop contente. Eh ben écoute, Alexia, on t'embrasse et tu te calmes, hein, d'accord? Prends une douche froide. Ouais. Alexia, t'as un petit copain ou pas? Oui, il dort, mais je vais les réveiller. Ouais, je crois, c'est mieux. On te fait des bisous, ma belle. Passe une belle journée. 6h16. Il y a un Bruno dans ton couple. Tiens, qui arrive dans quelques secondes. Mais pour l'instant, celle qui a fait l'hymne de l'Euro avec David Guetta, le nouveau Zara Larsson. Wake up, everybody. It's Zara Larsson with Bruno on Fun Radio. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can't talk right now. I'm looking at a lock. What I'm seeing got me feeling kind of shocked right now. Couldn't stop right now. Even if I wanna, gotta get it where it's at right now. Oh my God, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can't be responsible if I get you in trouble now. that boy smooth, body hotter than a summer. I don't mean to be rude, but I look so damn good on ya. Bien le nouveau Zara Larsson. It ain't my fault sur Fun Radio. Petit Bob Sinclair des copains, ça va arriver là dans la demi-heure. Someone who needs me. Et le chiffre du jour, comme chaque matin juste après les infos, ce sera à 6h30 sur Fun Radio. Avec cette petite question que j'ai à vous poser, surtout si vous êtes une fille, de quoi est-ce que vous êtes capable de vous passer aujourd'hui? Vous êtes une fille. Et c'est une question, c'est assez large. Mais c'est ça rapport. Vous êtes capable de vous en passer aujourd'hui. Vous êtes incapable de vous en passer aujourd'hui. Bah moi, du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est mon secret de cœur, là. C'est mon nouveau meilleur ami. Oh là là, Il y a ça, de parler de leurs cheveux. Il y a de critiquer une nana. Ah, mais t'as vu, t'as sans elle, je la supporte pas. Voilà, par derrière, toujours évidemment. Vous êtes une fille, vous êtes incapable de vous en passer aujourd'hui, d'après vous, c'est quoi? Faire chier. 30... Il y a plein de possibilités, hein. Enfin, pardon. 32-28, on fait de la radio ensemble. Et les Belges, vous êtes là aussi, hein. Vous pouvez nous appeler. Vous avez votre numéro de téléphone, ça arrive dans le studio, 02 85 10 000. C'est pas le plus simple. Je sais, quand tu travailles en Belgique, tu dis, oh putain, il y a plus de chiffres. Mais j'y peux rien, c'est fait comme ça. Allez, 6h21. Je t'aime, mon amour. Bonjour Amandine. Armandine. Oh, t'as caché, frère. À peine le bonjour et déjà tu me rentres dans les plumes. Parce que j'ai tellement l'habitude qu'on me dise Amandine. Ouais, on sent que t'es un peu tendu sur le sujet. Est-ce que tu penses pas que ça a été une faute de frappe quand tes parents déposaient ton prénom à la naissance, hein? Ouais, c'est possible. Non, c'est un vrai prénom, c'est le féminin d'Armand, en fait. Bah oui, bien sûr. Excuse-moi, des Armandines. Bah ça va de soi. C'est comme si tu t'appelais Arnaudine. Exactement. Bah peut-être que ça existe. Ou Jean-Claudine. Ouais. Bernardine. Bon, Amandine, allez, parle-nous de toi, parle-nous de ton couple. Comment il s'appelle? Mon chéri, il s'appelle Clément. D'accord, vous êtes ensemble depuis combien de temps? On est ensemble depuis 4 ans et on a eu un petit garçon, là, il y a 8 mois. D'accord. Ça se passe comment dans votre couple? Ça se passe bien. Sauf qu'il ne fait jamais attention à ce que je dis, ni rien. Oui, bah c'est un mec. Ouais, c'est ça. Vous vivez ensemble depuis combien de temps? 3 ans et demi. D'accord, ok. Il fait quoi dans la vie? Il travaille à l'usine. D'accord, et toi tu fais quoi? Bah, je m'occupe de mon petit garçon. Bah voilà, très bien. C'est une histoire qui roule. Parfait. Armandine? Oui. Pendant que je suis en train de te parler, nous avons Clément qui est hors antenne, que nous avons prévenu après ton coup de fil. On t'a posé des questions hors antenne. C'est Louzman qui t'a posé des questions, d'accord. J'ai déjà une promesse, c'est qu'il faut que tu me fasses à l'antenne. C'est ce qu'on t'a demandé, etc. Tu n'as pas passé les infos, soit par SMS, soit parce qu'il était dans la pièce d'à côté. Attends, mec, on est d'accord. Ah non, non, oui. Parce que pour que ça marche, pour que ce soit drôle, il faut qu'il soit, sevré. Il arrive, il sait pas de quoi on va parler, d'accord. Oui. Armandine, pas de problème. On va accueillir ton chéri. Bonjour Clément. Salut la famille. Bonjour. Bienvenue sur Fun Radio. Bon, fidèle de l'émission, tu connais le principe du Bruno dans ton couple. Ouais. On a posé des questions à Armandine en antenne. D'accord. Ces questions-là, on va te les poser à toi. Et d'accord. On va comparer vos réponses pour savoir où vous en êtes dans votre couple. D'accord. Ouais. Armandine Clément, est-ce l'amour fou? Oui. Oui. C'est trop mignon. Ils arrivent toujours comme ça. Ils arrivent toujours la fleur au fusil. Attention, Clément, voici la première question. Qui a embrassé l'autre en premier? Armandine. Mais Clément, non. Est-ce qu'il faut dire la vérité, Clément? C'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Tu m'énerves. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que c'est lui qui m'a embrassée en premier, sauf qu'il veut l'admettre devant personne. C'est complètement débile. Pourquoi tu veux pas admettre, Clément, que c'est toi qui l'as embrassée en premier? C'est elle qui m'a sauté dessus. Qu'elle te saute dessus, d'accord, mais est-ce que c'est toi qui, le premier, a mis ta langue dans sa bouche? Non, c'est elle. Mais non. Bon, ben ça commence bien l'histoire. J'aimerais bien avoir une vidéo du moment pour que je puisse lui mettre sous les yeux, c'est horrible. On a le sujet dès le départ qui part en vrille, oui, Elliot. En vrai, on est d'accord qu'il n'y a jamais de premier ou de deuxième, c'est juste une histoire inventée par les mecs pour tromper leur meuf. Genre, c'est pas de ma faute, elle m'a sauté dessus, ouais, c'est vraiment pas sûr. De ma faute. C'est juste ça, ça a été inventé pour ça. Ou alors, c'est juste que le gars, il a embrassé une autre nana, il était tellement bourré qu'il s'en est pas rendu compte. Bon, donc ben, pour l'instant, pas de réponse en commun. C'était la première question, ça s'annonce bien pour la suite. La deuxième, Clément. Lequel de vous deux veut faire des câlins le plus souvent? Ça, c'est moi, ça. Ouais. Bonne réponse. Bien. Armandine, moi une. Hors antenne, elle a dit aujourd'hui c'est Clément, mais avant c'était toi, Amandine. Oui. C'est ce que t'as dit hors antenne? Oui, oui. D'accord, mais depuis que t'as accouché, un peu moins maintenant. Ouais, c'est depuis que j'ai accouché, ouais. Ouais. Alors je regarde quand même, toi, depuis que t'as accouché, tu veux le faire deux fois par jour. Non, Clément deux fois non. par jour et toi ouais. une fois tous les deux, trois jours. C'est bien déjà. Ah oui, c'est bien. Ah ouais. Moi je suis sur une fois tous les deux, trois ans, c'est un délire. Deux, trois semaines. C'est un délire, vraiment. Troisième question, ça vous fait une bonne réponse en commun pour l'instant. Clément, quel est le tour de poitrine d'Armandine? $85,000. Oh là là. N'importe quoi. Armandine, rappelle-moi, non, mais... ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans. D'accord. Oui, mais ça, c'est un truc auquel vous faites pas gaffe, je pense. Oh, si, si. Oh, ça. Non, mais vous connaissez pas la taille exacte. Non, franchement, je vous pose la question. Vache, tu connais la taille exacte des soutiens-gorge de ta chérie? Sans aide, là, actuellement. Là. Moi, j'appelle ça énorme. Et ça me va. Clément, c'est 95C. Ouais, n'importe D'accord. quoi. En plus, tu m'as acheté des sous-vêtements il n'y a pas longtemps, t'es vraiment bête. Hein. Non mais... Ça va bien, tout va bien. Ouais, j'en prends pour mon grade. Sur trois questions, vous avez pour l'instant juste une bonne réponse en commun. J'ai c'est le temps d'en poser une quatrième, j'en fais une petite quatrième. Est-ce qu'il y a un de tes potes, Clément, qui a déjà dragué Armandine? Oui. Comment il s'appelle? Johan. Ouais, c'est bien. C'est bon. C'était on a au moins la moitié. Armandine, c'était il y a longtemps? Ouais, ça devait faire même pas un an qu'on était ensemble. D'accord. Et ça s'est bien fini? Non. Ah, pourquoi ça s'est pas bien fini? Enfin, ni pour lui, ni pour moi. Enfin, on lui parle plus, en fait. Ah oui, d'accord. Ah, okay. Il y a eu gros clash et on se parle plus. Enfin, vous vous parlez pas, il y a quand même la prochaine question pour Clément. Es-tu le vrai papa ou est-ce que c'est Johan? Oui, je confirme, je suis le vrai papa. Jusqu'à preuve du contraire. Deux bonnes réponses, c'est bien. Bravo, c'est vraiment, pas mal. C'est bien. Ça fait... Merci. On est sur du 50%, c'est pas toujours le cas sur un Bruno dans ton couple. On va vous offrir du cadeau, les amis, on vous repasse le standard, on vous embrasse. Merci. Super, beaucoup. Merci bisous. Beaucoup, bonne journée. Bisous. Bisous. Et Armandine, il s'appelle comment le petit? Milan. Et ben enfin un petit bisou à Willan. Et vous êtes Milan, avec les Milan. Prénoms. Il a dit, à Milan, elle a dit. Oui. Willan, ça me paraissait pas. Bob Sinclair, c'est sur Fun Radio. S'appelle Théo, il a 14 ans. Loose du jour à 14 ans, c'est beau, c'est une belle réussite. C'est une loose de collège en plus. Il s'est fait coller, il va nous expliquer comment. On le rend en direct dans un quart d'heure et puis le chiffre du jour là qui arrive sur Fun Radio juste après les news. Fun Radio, le son Dance Floor. L'info de ce mercredi, c'est le 14 septembre et c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. 7 départements du sud en vigilance orange, inondation et orage aujourd'hui. Le Gard, la Lozère, l'Hérault, l'Aveyron, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Il va continuer à pleuvoir sur les régions du sud. Plus on ira vers le nord et notamment près des frontières de la Belgique, plus il fera beau et chaud. Comptez 15 à 20 degrés ce matin. Dans l'après-midi, ça baissera pour les régions sous l'eau. 16 à Tarbes, 20 à Bordeaux, 25 à Lyon, 29 à Paris, 31 à Reims. Plus de 100 000 impacts de foudre dans le sud-ouest. Hier soir, un fort épisode orageux a donc éclaté près des Pyrénées, entre le Pays Basque et les Charentes. 120 000 foyers sont privés d'électricité ce matin. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois pour des caves inondées et des arbres sur la chaussée. Le gouvernement veut sauver le site Alstom de Belfort. Il se laisse 10 jours pour trouver une solution. 400 emplois sont menacés par un transfert massif. L'État souhaite que la SNCF privilégie Alstom pour ses commandes de train. Un dossier sensible à 8 mois de la présidentielle. Le malaise des blouses blanches. Les infirmiers sont en grève aujourd'hui à l'appel des syndicats. Une grève qui se traduira par le port d'un brassard noir. Des actions seront menées dans les établissements hospitaliers pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Vous êtes des petits gourmands. Le marché des bonbons est en hausse de 2% au premier semestre de 2016 selon des chiffres du syndicat national de la confiserie. Un plaisir que l'on s'accorde et qui fait du bien dans le climat actuel. En moyenne, un Français avale plus de 3 kilos de bonbec chaque année. 3 matchs sans victoire, ça commence à faire long après Monaco, après Saint-Etienne. Le PSG a été tenu en échec pour son premier match de Ligue des Champions hier soir. Un but partout contre Arsenal, but de Cavani dès la 42e seconde de jeu. Ce soir, Lyon recevra le Dynamo Zagreb et Monaco ira sur la pelouse de Tottenham. C'est à 20h45. Pour l'heure, 6h32, vous êtes sur Fun Radio et c'est toute l'équipe de Bruno que l'on retrouve. Wake up. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Oh, ouais. 6h-9h on Fun Radio. Mercredi, c'est le 14 septembre, c'est Fun Radio. Bon réveil, la famille. Martin Garrix. Ça va arriver là dans la demi-heure. Nouveau Martin Garrix, In the Name of Love. Il y aura Kungs aux alentours de moins le quart. Gone, you's go. Oui, je le connais par cœur. Et puis, si on a le temps, avant 7h, un petit Major Lazer avec Justin Bieber. Le marché des bonbons est en hausse de 2% au premier semestre. Syndicat national de la confiserie qui vient de balancer ça. On vous le disait dans les infos. Un Français avale en moyenne 3 kilos de bonbons chaque année. C'est quoi votre préféré? Allez, on balance là. Sur les bonbons, vous avez les boîtes, tu sais, là où il y a tous les bonbons dedans. Votre préféré, c'est quoi, Christina? Les Dragibus roses. Dragibus? Non, la vie, c'est clairs, le... Hein, les clairs, les roses clairs. C'est le noir, mais non. Ah non, moi, c'est mes les roses les gars, clairs que je préfère. Hey, on est d'accord, les Dragibus, tu ouvres les Dragibus, c'est les noirs à la base. Mais ils ont le même goût, de toute façon. Mais bien sûr que non, le noir, c'est l'école noire. Qui est de la team Dragibus noir? Levez la main dans le studio. Bah, bien sûr, il y a cette majorité, évidemment. C'est le plus dégueulasse. Oh, non. Mais non, c'est le meilleur. Vert et rouge pour moi. Mais non. Ah, bravo. Va chier, ton bonbon préféré. Alors, je sais pas si c'est un bonbon, c'est dans les célébrations. C'est un truc qui s'appelle Dove. Tu sais, il y a les mini stickers. Mais non, c'est le chocolat, ça. Le chocolat, ça compte alors, pas. Bonbon, vas-y, crocodile. Alors. Croco, d'accord, okay. Team crocodile. Est-ce que, comme moi, parce que j'aime bien les crocodiles, tu faisais des petites expériences de génétique. Oui. C'est-à-dire que tu coupais un crocodile en deux et tu collais la queue d'un rouge au corps d'un jaune. Non. Oui. Oula, alors ça a commencé sur les bonbons avant de faire ça sur les humains, toi. Elliot, moi c'est les fils sans sucre, là les longs fils, là, ça ressemble à des Scooby-Doo, ça c'est mes bonbons préférés. C'est toi qui les achètes? Ah ouais? Putain, mais souvent quand tu les vois dans les bureaux de tabac, c'est celui qui reste plein. Ah ouais, moi je les adore. Personne les prend, ces dos, ça. Non, les pires, c'est les réglisses en rouleau. Ah ouais. Ça, je pense que personne ne les mange. Ah, moi je les aime bien, moi. Enfin, cela dit, moi, et mon préféré chez les Haribo, vous allez dire, mais mec, je sais même pas que ça existe. Voyez à quoi ça ressemble, les flambis, les Ah oui, les yaourts flambis. Les petits flans en caramel, là. Ouais, et ben ça existe en bonbons, c'est mes préférés, moi, ça. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'il y a que moi qui adore quand les bonbons sont très durs? Genre les crocodiles ou les flans, pour moi, faut qu'ils soient restés dans un placard, mais une bonne année. Ouais. Et là, ils sont durs comme du bois, et là, tu peux les mastiquer. Non, moi, je pensais plus à dur, genre parce qu'il est resté dans la voiture en hiver, tu vois, du coup, ça a gelé, c'est un peu dur, mais oui, si voilà. Tu restes 10 ans dans ta maison, c'est. Ouais, racine, c'est pas le délire de l'équipe. Bien, bien dur, quoi. Et j'aime bien aussi les petits coca qui piquent, les petites canettes de coca. Ah oui, tu fais ça tout souvent, tu fais une petite grimace. Après, bon, et j'en finirai là-dessus, mais c'est le vieux con qui parle. Je trouve que maintenant ils mettent du kipik sur tous les trucs. Ouais, c'est vrai. Trop de kipik, tu le kipik. Ah non, c'est génial, les têtes brûlées, c'est génial. Ah non, c'est imbouffable. Le seul kipik qui tient la route, c'est le bonbon là, qui ressemble à une bouteille de coca d'ailleurs, qui est bleu et rose. Ça, c'est les meilleurs là. Ah, il est bon celui-là aussi, les c'est frises, vrai. Ou je sais pas quoi. Ouais. Hashtag Bruno Fun Radio, on est en top tweet France depuis 20 minutes. Bah merci, les amis. Vous pouvez balancer vos messages. C'est quoi votre bonbon préféré? Dites-le, hashtag Bruno Fun Radio sur Twitter, sur Instagram. Et mon rêve, c'est le chiffre du jour. Alors, le chiffre de ce matin, cette question que je vous posais tout à l'heure, les filles. Quel est le truc dont vous êtes incapable de vous passer aujourd'hui? Maggie est parisienne. Bonjour Maggie. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Salut. Le truc dont tu ne peux pas te passer, qu'est-ce que c'est? Alors moi, c'est mon café du matin, c'est juste pas possible, je peux pas m'en passer. C'est un délire. Ah, en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi. Hein. Moi, je suis de la team thé. Je suis de la team cappuccino, moi. Oh, Madame la baronne. Bonjour. Alors, à ceux qui ne peuvent pas se passer de café tous les matins, nous, on pourrait bien se passer de votre haleine. Juste pour vous dire. Il faut que ça se sache. Maggie, tu te lèves à quelle heure le matin? À 6h. 6h du matin. Tu te lèves tous les jours avec Bruno dans la radio? Tous les jours depuis pas mal d'années maintenant. Eh bien, ça fait plaisir, Maggie. On te fait des bisous. Passe une belle journée. C'était pas la réponse que j'attendais. Delphine est à Rouen. Bonjour, Delphine. Bonjour, Bruno. Bonjour, tout le monde. Bonjour. 26 ans. 26 ans, qu'est-ce qu'elle fait dans la ville rouennaise? Elle est acheteuse, la rouennaise. Acheteuse, mais ça, c'est toutes les femmes qui sont acheteuses. Acheteuse comme métier pour une nana, c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est de la vie, quand même. C'est le rêve. Delphine, le truc dont tu es incapable de te passer aujourd'hui, c'est quoi? Ben moi, c'est mon application Oise sur mon téléphone, mon GPS, qui m'évite les bouchons, qui m'indique ma route. Sans ça, je suis perdue. Waze, ouais. Alors, je t'avoue que c'est pas très très féminin. Je m'attendais à une réponse un peu plus féminine, mais je peux comprendre. Delphine, c'est pas la réponse que j'attendais, mais ça a un rapport avec ton téléphone portable. Ah. Ouais. C'est elleonparle.com qui nous file l'info ce matin. 34, c'est le chiffre du jour. 34% des filles sont incapables de se passer de filtre avant de poster une photo sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, les filtres, c'est la vie, ça t'embellit, t'es magnifique avec un filtre. Delphine, t'es dans ce délire-là ou pas? Ah ben moi sur Snap en fait c'est le filtre qui donne bonne mine là. J'adore. Ah ouais, bien sûr. Mais je crois que toutes les nanas sont comme ça. Il y a Capucine Anav qui est passée à la radio là il y a deux jours. Je lui ai dit on se fait un Snap, elle fait non arrête tu vas pas me filtrer. Quand tu rencontres une fille en vrai que t'avais juste vu en photo avec des filtres justement, tu dis c'est bizarre sur la photo elle avait les dents blanches, là bah, c'est plus couleur du soleil. On va dire. C'est sympa. Tiens Delphine, elle était pas très loin de la réponse, on va t'offrir un agenda Bruno dans la radio, d'accord? Ah génial, merci, c'est cool. On te fait des bisous ma belle, belle journée. Moi je voulais juste vous parler d'une appli justement que j'ai découvert qui s'appelle Effects Studio, je vais vous le poster sur les réseaux sociaux, oh là c'est là. Génial. Pourquoi? Il y a au moins mais 50 filtres différents, ouais. Et alors franchement, tu ressors toujours belle. Ouais. Moi c'est chiant les filtres, tu vois, t'essayes de draguer une nana sur Snapchat, tu la vois là, les oreilles de chien avec une truffe, tu te dis c'est original, et puis en fait quand elle arrive, elle les a pas. J'étais vraiment super déçu. Je me suis dit merde, fuck les filtres. Martin Garrix, c'est sur Fun Radio. Wake up, it's Martin Garrix with Bruno on Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy. En train de vous chauffer le hashtag Bruno Fun Radio avec vos bonbons préférés. Je parlais de ça ce matin. Il y a une grosse team Schtroumpf là qui est en train de se créer. Oh non. Les bonbons Schtroumpf et les floppies. C'est trop bon les floppies. C'est les petits roses là qui sont un peu durs que t'as dans la boîte Haribo la complète. Ouais. C'est pas ceux que je préfère moi. Ah, ils sont excellents. Ils en mettent que 3-4 en général. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, tu les comptes. T'es dans un... Bon, allez, loser du jour ce matin. Je voudrais que l'on accueille Théo. Il a 14 ans. Il est à Paris. Salut Théo. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Coucou. T'es en quelle classe? Je suis en seconde. Quel lycée? Grégoire Mandel, Vincennes. D'accord, ok. Il t'est arrivé quoi, Théo? il m'est arrivé que il y a ma professeure de physique, elle a un accent chinois, mais genre en limite on dirait elle force quand elle parle. Ouais. Et du coup, bonjour, adieu-vous. Mais vraiment ça, mais je te jure. Et du coup, nous pour bien se couper de sa gueule, bah on parle avec l'accent chinois. Ouais. Sauf qu'en général, elle nous entend pas. Et là, moi, j'ai fait l'erreur du jour. J'ai dit madame avec l'accent chinois, mais sauf que sans faire exprès. En plus, j'ai dit maman. Ouais. Du coup, ça a donné un truc genre maman. Et résultat, j'ai collé 2 heures samedi. Ouais, bah hey, tu l'as bien cherché quand même. Théo. Tu le sais, il ne faut pas te moquer de ta professeure de canatin. T'es pas bien. Nous, les vrais Chinois, on prend ça hyper mal. T'es super avec ça, trouve en ce moment. On a quitté le pays dans une barque avec nos sapots pointus pour refaire notre vie et faire du karaté tranquille, pépère. Pépère. Et pas se faire moquer la gueule par des connards comme toi. Ouais. Théo, voilà. Non, mais on en déconne à la radio. Pourquoi ? Parce que c'est la seule communauté où tu peux rire un peu sans avoir de problème. Tu vois, ils ont beaucoup d'humour, en fait. Heureusement. Je crois. Oh, je pense qu'au moment, ça peut les saouler. C'est ça. Un jour, on sera plus là. On se dira, ils sont passés où ? C'est qu'ils auront plus d'humour. Théo, on t'embrasse, mon pote. Merci, salut, enfin, Bruno, salut tout le monde. Oui. On t'embrasse, c'est mon pote. Kungs, ça arrive sur Fun Radio. Et alors, si vous êtes une fille. Je suis tombé sur une étude scientifique qui va changer votre vie. Je vous en parle dans 3 minutes sur Fun Radio. A tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio Fun. Sur funradio.fr. Radio, la radio connectée avec vous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio non-stop. Fun Radio. Why don't you give me your love? Le son dance floor. Something more. sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Bonjour la famille, mercredi c'est le 14 septembre, c'est Fun Radio, c'est Kungs. Ça va arriver là dans 5 minutes. Répondeur des enfants, c'est mercredi. J'adore. Mercredi, c'est le jour des enfants, 7h du matin. On leur a posé cette question aux enfants. Quel super pouvoir tu aimerais avoir si demain tu avais la possibilité d'être un super héros? Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir faire? On va voir leurs réponses là tout à l'heure. Vous en voulez un petit avant-goût ou pas? Oui. Ah ouais, petit avant-goût. Salut Bruno, salut la famille. Moi, ce que j'aimerais comme super pouvoir, c'est quand je claque mes doigts, que ma chambre, elle se range toute seule. Salut Bruno, toute la famille. Ça sera un bon super pouvoir. Oh, regardez dans le ciel! Super rangeur de chambre. Et je peux te dire que le matin, il sauverait la vie. Hein. Mais moi, je veux le même pour tout. Genre, je claque des doigts et ça fait mes devoirs. Je claque des doigts, ça fait la vaisselle. Je claque des doigts, je fais l'amour avec ma meuf. Je claque des doigts, il range ses affaires. Enfin, ouais, en fait, tu veux être Joséphine Ange Gardien, quoi. C'est ça, ouais. Faut pas claquer le mauvais doigt, sinon tu fais l'amour avec ta chambre. Bonjour Valentine. Bonjour. Bon, on va parler d'une étude là dans quelques secondes qui concerne les filles. Mais si je te prends là au téléphone ce matin, c'est qu'il y a un quart d'heure, je disais que en moyenne, chaque Français consomme 3 kilos de bonbons. Tout à fait. Tu sais que le sujet, on l'a lancé tout à l'heure. Vous êtes comme des oufs là sur Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio. Ouais, mais nous balancer... qui aime pas les bonbons. Attends. C'est vrai. Attends Bruno. À balancer votre bonbon préféré. C'est vrai que on achète souvent. Comment elle s'appelle la boîte, la grosse boîte de Tagada là? Ouais. Il y en a plein à l'intérieur. Il y a deux Party Mix. Différents. Ouais, Party Mix d'Haribo là où t'as des Dragibus, ouais, des fraises. C'est sûr. Mais après, moi personnellement, j'ai créé ma boîte. Je suis auto-entrepreneur. Je vends les bonbons à domicile. Mais à domicile. C'est quoi ce délire? Explique. Alors, j'ai créé ma boîte, je suis auto-entrepreneur, je vais chez les gens avec mon stock, je mets les boîtes ouvertes et les gens, bah, ils viennent, ils achètent les bonbons qu'ils aiment. Oh. Mais alors attends, si tu débarques dans une famille où il y a un ou plusieurs enfants, bah alors là, t'es sûr de vendre. Bah oui. Ah, les gamins, ils m'adorent. En fait, tu m'étonnes. Quand ils disent à leur mère, maman, je peux rester là cet après-midi, je vais pas à l'école. Bah non, Valentine, elle vient faire une réunion. Oh, ma copine Valentine. Et comme par hasard, ils m'adorent. Hein. Valentine, mais est-ce que c'est des bonbons, vu que tu fais de la vente à domicile, des bonbons genre Haribo ou une marque un peu chelou? C'est que les Haribo. Ah non, que les Haribo, c'est les meilleurs. Oui, parce que tu sais, des fois, il y a des contrefaçons de trucs. Ah, par exemple, les fraises Tagada. Il y a des fausses fraises qui tournent sur le marché. Ça n'a pas le goût de la fraise Tagada. Ah non, moi j'ai envie de vomir quand je mange ça, personnellement. Mais franchement, Bruno, moi je me porte en faux. C'est ça l'expression. Non. Les fraises Tagada, les molles, les pas officielles, les Paribos, c'est les meilleurs. Les plates et molles. Mais non. Boum, ça, alors bah moi, non, j'aime pas les fraises Tagada. Franchement, nul. Valentine, puisque tu les vends, c'est quoi la plus grosse vente chez Tagada? C'est quoi pour toi? Chez Haribo, la Tagada. La fraîche Tagada. Sinon, chez Verquin, c'est, alors je sais pas si vous connaissez, ça a plus de 20 ans, c'est la souris au caramel. La souris au caramel? Ouais, bah c'est du Nord, hein, moi je suis de Dunkerque. En fait, c'est une petite souris comme ça au chocolat et à l'intérieur, c'est que du caramel. C'est bon. D'accord. Alors, c'est dur la peste, ça arrache les dents. Et Valentine, on connaît pas, mais faudrait que tu nous fasses parvenir le truc qu'on goûte. Je vais venir directement. Oui, viens, on t'attend. On veut manger des bonbons. On te fait des bisous. Tiens, et Valentine, ça n'a aucun rapport avec les bonbons, mais tant que je t'ai sous la main, tu bois un petit coup de temps en temps ou pas? Est-ce que je bois un petit coup? Oui, est-ce que t'es alcoolique? Pose cette question. En plus des ventes à domicile, je travaille dans un bar tabac, donc je suis un peu obligée. Eh bien écoute, je suis tombé sur cette étude qui dit que les femmes les plus intelligentes sont celles qui boivent le plus. Ah. Autant vous dire que dans l'équipe, Christina, c'est un peu une tête. Ouais, j'avoue. On va pas se mentir. Valentine, je te fais des bisous, ma belle. Ça marche, salut Bruno. Bisous. Passe une belle journée. Dans 3 minutes, le JPI, journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission, là ça va arriver sur Fun Radio. Mais pour l'instant, petite douceur, c'est Kungs. Salut, c'est Kungs. Tous les matins, je me lève en écoutant Bruno sur Fun Radio. I'm not afraid to 5 minutes, 7 heures, c'est Fun Radio. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Corneille. Et à tous les corneilles qui nous écoutent, n'oubliez pas qu'on vit chaque jour comme le dernier et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Et pour commencer, santé. Dans le sud-est de la France, l'araignée violoniste, dont la morsure peut conduire à l'amputation, continue de sévir. Pour reconnaître l'araignée violoniste, rien de plus simple. Quand elle se déplace, elle fait ça. Non mais c'est chelou, j'ai vu la photo là dans le journal ce matin, il y a un gars qui a failli se faire amputer à cause d'une piqûre. C'est quand même horrible. C'est vrai qu'avec le violon, du coup, ça rassure. On l'attend venir, ouais, c'est vrai. Grève, les infirmières seront en grève demain pour dénoncer les conditions de travail à l'hôpital. Et si en même temps, elles pouvaient dénoncer les plateaux repas, ça serait cool. Et les crocs aussi. Les professionnels du vin de la vallée du Rhône ont donné lundi le coup d'envoi officiel des vendanges qui promettent, selon eux, un bon millésime grâce à une météo favorable. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Effectivement, il est très, très, très, très, Anthony. Anthony, oh. Bon. Trop bon, peut-être. La suite. Et pour finir, si vous aimez les desserts et les gynécos, mangez un clafrotti. Et ben voilà, c'est la fin du JPI. À tout à l'heure. Nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. C'est trop mimi. Bon app. Oh putain. Gerbé, je vous jure. Pas au petit-déj, quoi. Vraiment pas. Major Lazer, tout de suite, sur Fun Radio, avec Justin Bieber, c'est Cold Water. Everybody gets high sometimes, you know. What can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. Cause we all get lost sometimes, you know. You shouldn't be fighting on your own. I will still be patient with you. Nicole Pervers, t'es bien réveillé, t'es en forme, mon Nico? Je suis toujours en forme, en plus il y a des auditrices qui sont venues dans le studio. Oh putain, la gambasse va sortir. Eh ben ça tombe bien. En chien, là, ça arrive sur Fun et puis à 7h10, on va payer de la facture. C'est Fun Radio, on revient en direct après ça. Diplo. DJ Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double Fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double Fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio, le son dance floor. 3228, service payant, 50 centimes d'euros par minute plus près d'un appel. Eh, c'est la foire à l'euro chez U. Ah bon? Eh, regardez comme ils sont mignons, ils sont tout ronds, tout petits. Daniel, vous parlez de qui là? Eh ben, des petits prix de la foire à l'euro. Ah. Et des prix ronds. Regardez, il y en a à tous les rayons. Ah oui, ah oui. Là, là, il l'a. Et des petits prix mis bout à bout, eh ben, ça fait de grandes économies. Il y en a encore un là, Daniel, regardez. Oh, oh, ben, oh, il est si petit que j'ai bien failli le rater celui-là. Petit, petit, petit. C'est jusqu'au 24 septembre sur une sélection de produits dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Bravo. Et on fait quoi maintenant? Sers-toi de ton appli Direct Assurance, voyons. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Alors oui, vous avez eu un petit accident, mais non, vous n'allez pas perdre votre bonus 50, alors on se calme, on va régler ça ensemble. Bravo! Si vous avez un bonus 50, chez Direct Assurance, vous le conservez même en cas d'accident responsable. C'est votre appli banque qui va être contente. En plus, en souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Bougez pas, Bruno. Le répondeur des enfants, ce sont des enfants de moins de 12 ans qui répondent à une question qu'on pose cette semaine. La question de cette semaine, c'est quel super pouvoir tu vas avoir? Les réponses arrivent là juste après les infos sur Fun. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller. C'est mercredi, c'est le 14 septembre. C'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour à tous. C'est toujours 7 départements en vigilance orange, inondation et orage. Le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche et le Vaucluse. Sous un ciel gris, il continuera de pleuvoir aujourd'hui au sud et à l'ouest du pays. Il fera beau en revanche sur le quart nord-est. Les températures vont baisser franchement. 15 à 20 degrés au lever du jour. Dans l'après-midi, prévoyez 19 à Biarritz et Limoges, 21 à Perpignan, 22 pour Orléans, 25 à Lyon, 29 à Paris, mais encore 31 à Reims. 120 000 foyers sont donc privés d'électricité ce matin dans le sud-ouest. Les orages ont frappé hier soir entre les Charentes et les Pyrénées. Plus de 100 000 impacts de foudre. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois pour des arbres tombés sur la chaussée et des caves inondées. Il n'y a pas eu de victimes. Un mouvement de grève du personnel infirmier. Ils dénonceront aujourd'hui la dégradation de leurs conditions de travail suite à une vague de suicides dans la profession cet été. La grève se traduira par le port d'un brassard noir. Un Français mange chaque année plus de 3 kilos de bonbons et vous êtes de plus en plus gourmand. Selon les chiffres du syndicat national de la confiserie, les ventes de bonbec ont grimpé de 2% au premier semestre de l'année 2016. Si vous jouez à Pokémon Go, vous allez être ravi en allumant l'application ce matin. L'éditeur du jeu vient de finaliser sa dernière mise à jour pour redresser la tête après une baisse du nombre de joueurs en cette rentrée. Parmi les nouveautés, une compatibilité avec le bracelet Pokémon Go Plus, mais aussi l'arrivée de son compagnon. Vous choisissez un Pokémon pour marcher avec et vous gagnez ainsi des bonbons pratiques pour les évolutions. Le football, un but partout hier soir entre le PSG et Arsenal. C'était le premier match de poule de Ligue des Champions. Cavani a marqué pour Paris. Ce soir, entrée en lice de Lyon contre le Dynamo Zagreb et de Monaco à Tottenham. Coup d'envoi 20h45. 7h03, on retrouve Bruno dans la radio sur Fun. Bon réveil. Mercredi, c'est le 14 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h03, bonjour! Vous écoutez la première radio dance floor de France, les amis, ça n'est pas anodin! Vous n'écoutez pas la 5e, la 6e, la 23e, la 2600e, vous écoutez la première. Quand vous ouvrez les yeux ce matin, vous êtes un leader, vous êtes un chef d'opinion, ce que vous écoutez, les autres l'écoutent! Et quand vous kiffez sur ça, les autres kiffent aussi. Nicole Pervers, parodie Fun Radio, ça arrive dans 3 minutes, je suis en chien. Richard Orlinski, aux alentours de 7h15. Il a un nom bizarre, j'arrive pas à me faire au délire que c'est un gars qui fait des disques. Richard Orlinski. Moi je te dis, on va chez Orlinski, tu vas acheter un bijou. Mais à la base, il en fait pas, il fait des œuvres d'art. Il fait des bijoux aussi, Bruno. T'es toujours dans ce délire-là, c'est toujours le même gars ? Ouais, c'est toujours le même gars. Qui fait les sculptures de singes qu'il y a dans Vendredi, tout est permis. Ouais, c'est tout lui. Ça. Mais donc il fait tous les trucs. Il fait des sandwichs aussi. Mais il s'est lancé là-dedans. Genre un délire. Il avait plein d'argent. Il s'est lancé là-dedans. Ma mère lui dirait, mon petit Richard, tu manges à tous les râteliers. Elle lui dirait ça, ma mère. Je peux vous dire que c'est pas la dernière. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour. Je viens de regarder sur Google, effectivement, si vous voulez acheter un petit gorille fait par Richard Orlinski, qui fait aussi des gorilles en plastique, c'est 14 716 euros. C'est ça. C'est toujours joli dans un salon. Et puis c'est un petit prix, voilà. Profitons-en. D'ailleurs, Bruno, si tu veux les piquer dans Vendredi tout est permis, ramène-en un. Dès que t'en vois un, tu le piques. Et puis comme ça, on se fait 20 000 boules, on partage. Voilà. Mais surtout, le petit, c'est vrai. Non, c'est pas ce prix-là. Non, si, je te jure, Bruno, non. C'est la taille, mais... Je te promets, il est connu de ouf dans le milieu de l'art. Les amis, il y a Arthur qui m'en a offert en fait un petit. Mais non, bah voilà. Il y en a. Non, je pense que celui à 14 000 euros, c'est le grand. Mais fais la déduction, là, le petit, il est à 2475. Mais c'est hors de prix, hein. C'est n'importe quoi. C'est quoi, la dernière fois on a dit c'est hors de prix, c'était quoi? Attention, enchaînement. Je peux vous dire que la personne là que vous êtes en train d'écouter, c'est 30 années de radio qui feront toujours la différence. Voilà. Elle dit hors de prix, je pense quoi? Je pense iPhone. Ouais. iPhone 7, présentation la semaine dernière. Premier réflexe, putain, 700 boules, c'est quand même un peu cher. Sauf si éventuellement on me l'offre. Et là, boum, j'interviens. Paf! On vous offre le nouvel iPhone, l'iPhone 7. Vous pouvez le gagner ce matin, l'iPhone 7. Il suffit d'envoyer Bruno par SMS au 74 900. Nous allons vous donner une demi-heure, 30 minutes et pas une seconde de plus. Ça nous amène à 7h36. Vous êtes en Belgique, vous voulez jouer? Vous pouvez jouer aussi. Vous envoyez Bruno par SMS au 63 22. Dans une demi-heure, l'ordinateur choisit un numéro au hasard, je l'appelle. Ça tombe chez vous, vous décrochez. Vous décrochez, vous gagnez l'iPhone 7. Et là, je le dis, ce matin, il n'y aura pas de répondeur. C'est-à-dire, soit vous répondez, vous le gagnez. Si ça répond pas, c'est répondeur. Tant pis, j'appelle un autre numéro. Moi, je veux quelqu'un à l'antenne ce matin. Ah oui. On est d'accord? Allez. Bruno par SMS au 74 900 ou alors au 63 22. Vous avez 29 minutes à partir de maintenant. Top chrono. Répondeur des enfants sur Fun Radio. Quel super pouvoir tu aimerais avoir? C'est la question que nous avons posée sur le répondeur des enfants. Le numéro, c'est le 06 34 62 26 28. Et pendant une semaine, les enfants ont répondu. Vous pouvez le faire, faites de chez vous. Vous avez un petit frère, une petite sœur. Vous lui posez la question. La nouvelle question arrivera dans quelques minutes. Ou alors, si vous avez un cousin. Voilà, tout ça, vous pouvez. Quel super pouvoir? À toi, petite fille. Bonjour Bruno, et si j'étais une super héroïne, mon pouvoir ça serait de grimper sur les murs pour après faire peur à ma mère. Au revoir. Mais c'est horrible. En général, t'as des films d'horreur qui sont comme ça quand t'as les petites filles possédées, tu sais, qui se retrouvent au plafond, là, c'est horrible. Ouais, en général, c'est que t'es possédé. Quand tu commences à courir sur les murs, il y a un truc qui va pas. Ouais. Moi, dans les films d'horreur, c'est vrai que c'est mon truc qui me fait le plus flipper, c'est ça. Ah ouais, ouais. C'est les filles. Et qui marche, alors pas forcément sur les murs, mais qui marche, tu sais, en saccadé. Elles sont démantibulées, ouais. En fait. Ouais, c'est comme ça, c'est le terme. Les démantibulées. Déjà, c'est démandibule. Démantibulées. C'est juste qu'on le dit pas souvent à l'antenne. Ah ben, on ne le dit jamais. Alléluia, les amis. Démantibulé, ça a été placé la dernière fois en radio. C'était sur Radio Paris en 42. L'animateur disait, les Allemands sont en train de démantibuler Paris. On l'avait pas redit depuis, c'est sûr. Sûr et certain. Deuxième message. Bonjour la famille, c'est Robinson. Le super pouvoir que j'aimerais avoir, c'est faire tout ce que je peux dans mes pensées. Par exemple, je veux aller dans le studio de Fun Radio, je vais dans le studio de Fun Radio. Je veux une glace, et ben j'ai une glace. Tout ce genre de choses, ça serait cool. Salut la famille. Ah ouais. Ça, c'est le must des pouvoirs, parce que du coup, tu peux tout faire. Hein. C'est canon. C'est-à-dire que tu te concentres. Ouais. Et c'est tu as ce que tu veux, ou tu vas ce que, où tu veux. C'est génial. Mais ce oui, truc. C'est canon. Moi, j'aimerais bien être dans la chambre de Clara Morgan. Ouais. Ah bah, et regarde. Ouais. Ah, pardon, c'est pas la chambre. C'est bah, écoute, on est allé un peu trop loin dans les mains. Dernier message, c'est Roman. Bonjour Bruno, bonjour à la famille. Je m'appelle Roman, j'ai 8 ans. Et moi, si j'étais un super-héros, mon super-pouvoir, ce serait d'être invisible. Comme ça, le soir, quand mes parents ils regarderont la télé, ben, je pourrais regarder sans qu'ils le sachent. Bisous. Alors, Roman, attention, parce que

like it because every mistake is like. Mais gift, bien sûr, you know? On aime ça parce que chaque erreur, c'est un petit peu une réussite. Et globalement, quand j'écoute ça, moi, sur mon ordinateur, je rigole, ça m'amuse. I'm gonna suck Santa Claus, you know. Et je pourrais commander toute l'équipe au Père Noël. Of course, one day. Un jour, bien sûr. Oh non. Alors donc, bon, les chuchoteurs. Alors, ça s'appelle The Whisperers en anglais. Et en fait, donc, il y a tout un tas de vidéos sur YouTube sur tous les sujets. Et en fait, j'ai bloqué dessus. Donc, c'était un tuto beauté. Je m'en foutais à la base. Mais juste de l'écouter, ça m'a détendu de ouf. Et en fait, il y a une vraie communauté autour de ça. Et je pense que je vais l'intégrer parce que ça me fait du bien, en fait. Mais donc, le gars parle comme ça. Ouais, mais elle fait que des vidéos comme ça. Si on a un petit extrait, on peut peut-être écouter. Non. Est-ce que Fonf, tu l'as récupéré? Parce que, hey, Fonf, tu sais quoi? J'ai comblé quand même pendant au moins 5 minutes. Est-ce que tu l'as récupéré? On a quand même réveillé Teddy. Hein. Aux États-Unis, c'est la nuit. C'est quoi cette émission sur direct? On l'entend là. À quelle heure vous allez regarder la vidéo? Pour moi, c'est déjà le soir, puisque. Et c'est Natacha Campouche, en fait. C'est qu'elle pouvait pas parler fort parce qu'il y a son gars qui est à côté, le geôlier, qui va la taper. Non, mais c'est leur délire. Et ils expliquent que tu peux avoir un orgasme cérébral en écoutant ces personnes. Mais ça vous arrive jamais d'écouter une personne parler et genre d'avoir des frissons, des petits fourmillements dans faut le corps? Faut vraiment que tu fasses l'amour, Christina. Faut vraiment non, faire quelque mais chose. Et tu sais quoi? On peut lancer un sujet. C'est quoi la dernière vidéo sur laquelle vous avez bloqué? Voilà, le dernier truc qui vous a fait bloquer. Un tuto, un youtubeur, une youtubeuse, un truc sur lequel vous avez bloqué. On en parle dans moins de 10 minutes ensemble, d'accord? Ouais. 32-28, on fait de la radio, t'en as une toi Elliot? Tu vas nous en parler dans quelques secondes. Ok. D'accord? Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h10, 8h10, c'est bon Fonf qui réalise cette émission, on peut payer la facture? Non. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est parti dans le train du succès et de la réussite à 6h du matin et qu'on t'a laissé en gare, Fonf. J'ai pris un autre train, moi. Oui, c'est ça. Parti dans l'autre sens. Couche en 2012, là, c'est pas mal. Hein. Je fais attention. On a des bons titres. Il suffit de faire passer votre facture ici à Fun. Et vous avez plusieurs moyens pour le faire. Soit vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr ou bien vous l'envoyez par mail à facture@funradio.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture... C'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On va partir du côté de Lys-les-Lannois. J'espère bien le prononcer, c'est dans le Nord. On part dans le 59. Allô ? Stéphane ? Stéphane ? Ah, oui ? Oui, bonjour Stéphane. Bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio. Oh ! Oh, merci. Lys-les-Lannois, c'est bien prononcé Stéphane, on dit comme ça? Oui, c'est ça, ouais. T'as quel âge, tu fais quoi dans la vie à Lys-les-Lannois, Stéphane? Alors, j'ai 32 ans et je suis chauffeur. D'accord. Tu m'as envoyé une facture de 263 euros, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un contrôleur DJ Pioneer. Ah, tu mixes un peu? Oui, en fait, j'avais une Hercule avant qui a lâché... Putain, tu m'étonnes, les Hercules, c'est de la merde. Mais bien sûr, d'ailleurs, et on le dit souvent, quand t'as une Hercule, comment veux-tu que oui, mix que... sans ça tombe en panne. Vraiment, souvent. Ça se dit souvent dans le métier. Et donc, tu t'es acheté le contrôleur Pioneer. Ouais, on m'avait conseillé Pioneer et je suis pas déçu. Quoi. Et bah, tu sais quoi, bah, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est moi qui te paye ton contrôleur Pioneer. D'accord, Stéphane? Merci beaucoup, merci. Eh ben de rien mon pote. Oui Elliot. Excusez-moi, je crois qu'on dit Hercules, hein, voilà. Je préfère vous le dire. Ouais, mais moi Devon. Ouais. Ouais, parce que si jamais tu prends Hercules, comment veux-tu attraper des herpès. que le bas blesse. Il y a plus de vannes. Stéphane, on t'envoie le chèque très vite, on t'embrasse. Merci beaucoup. Belle journée mon pote. Vous restez sur Fun Radio, on parle là de ces vidéos qui nous ont complètement scotché là dernièrement et puis avant 8h du matin, nouveauté. Est-ce que vous vous souvenez d'un truc qui s'appelait Eiffel 65? Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Évidemment. Vous savez que moi, depuis qu'on avait fait un jour une chanson, je ne sais plus pourquoi, on avait fait Andrew, t'as pété dans les draps. Pour un vacher time. Ouais, vous savez que je n'entends que ça. C'est-à-dire que quand j'entends cette chanson, à chaque fois, je fais... Andrew, t'as pété dans les draps. Bah, hey, vous allez pouvoir le chanter sur le remix qui a été fait par Sound of Legend. T'as pété... Nouveauté Fun Radio, on a été les premiers sur le coup, c'est le remix 2016 de Blue d'Eiffel 65. Ça passera avant 8h du matin sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro, c'est Fun Radio. Save me, save me. The Parakeet. Feder. Lion. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Gâteau, gâteau chocolat, citron, coco. Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Châteaufort, Marel. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclus sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à conditions d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Les matins. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. C'est quoi la dernière vidéo qui vous a fait bloquer sur YouTube? On en parle là dans quelques secondes, 32-28. On fait de la radio ensemble et puis à 7h30, il y aura la chanson du jour. Gros sujet dans la chanson du jour. Ce matin, on a Romain qui veut qu'on appelle sa mère, Isabelle. Putain, sa mère, elle fume, les amis. Elle fumait 50 clopes par jour. 50 par jour. C'est beaucoup, il y en a combien dans un paquet? 20. 50 clopes par jour, c'est beaucoup. Deux paquets et demi, quoi. Il veut qu'on appelle sa mère, qu'on trouve un délire là pour la faire arrêter de fumer. On va lui faire passer le message. Hein. Bah, de toute façon, c'est soit elle l'entend ce matin, soit elle l'entendra plus bientôt. Hein. C'est ça. Et attention, j'ai tenté une imitation de Garou. Oh merde. Avec sa voix comme ça. Oh là. Vous allez comprendre. Ah bah, c'est quoi, petit extrait du coup, tu m'as chauffé. On ne veut pas vous inquiéter. Ah, là, c'est Céline Dion. Mais ouais. Si vous continuez de fumer, écoutez-le bien chanter. Attention. Voilà ce qui va vous arriver. Eh bien, sache que si j'ai. Ouais, ok, tu sais quoi. Oh là là. On va se l'écouter. Et on vient de vous trouver une bonne raison pour pas écouter la radio à 5h30. Pour l'instant, c'est Richard Orlinski et Eva Simons. Hi, this is Eva Simons with Bruno on Fun Radio. Where is all this going? I don't wanna hold back. I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. Yeah. Popcorn. Ça va arriver là sur Fun Radio dans moins de 10 minutes. Son de votre réveil. You're in my mind. Mais pour l'instant, on fait de la radio ensemble. Wow! Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Merci d'être là de plus en plus nombreux à nous écouter chaque matin sur Fun Radio. Ça fait plaisir. Et d'être là sur les réseaux sociaux, le hashtag Bruno Fun Radio au top tweet France, là, depuis 6h10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le sujet dont on parle le plus sur les réseaux sociaux depuis 6h. Et ben, bienvenue là aussi à tous ceux qui sont sur Twitter, Instagram. Il y a le Snapchat de l'émission également. C'est Bruno Fun Radio. Bonjour, Caroline. Salut Bruno. Salut la famille. Salut. Caroline, merci d'avoir pris un peu de ton temps. T'as appelé le 3228. Tu fais quoi dans la vie à Lyon? Je suis aide-soignante. Aide-soignante. Très bien. T'as entendu le sujet, là? On parlait avec Christina de cette vidéo sur laquelle elle a bloqué sur le net, sur YouTube. Mmh. Cette femme qui fait des tutos en chuchotant. Et on disait, voilà, le dernier truc qui vous a fait Keblo, là, sur YouTube notamment, c'est quoi? C'est quoi, toi, Caroline? Eh ben, moi, c'est une vidéo qui explique comment s'asseoir sur les toilettes pour que le transit soit putain, plus régulier. Putain, je l'ai vu hier! Caroline! Mais oui! On fait mal caca, c'est vrai, apparemment. J'ai appris. Mal. Mais Caroline, j'ai appris. Je l'ai vu hier, putain, c'est ouf que t'en parles. On fait mal caca. Voilà, je vous le dis. Ah bon? Il faut savoir que, en fait, quand on s'assoit sur une cuvette des toilettes de façon normale, c'est-à-dire comme tout à chacun, les pieds par terre, etc., eh bien, ça tord au niveau du sphincter. Et j'ai vu que ça, on pouvait se déclencher des cancers du côlon et tout ça, quoi. Je sais pas, ça fait des milliards d'années qu'on fait caca comme ça, quand même. Bah non, des milliards d'années, l'homme préhistorique, il avait rarement une cuvette Jacob de Lafont. J'avoue, ils avaient des toilettes turques, mais. Et bah justement, en fait, les toilettes turques, c'est l'idéal parce qu'il faudrait faire caca accroupi. En gros, faut avoir les genoux ramenés sur la poitrine. Ah, mais oui, c'est pour ça que parfois je me mets les pointes vers l'avant, là, je me mets sur les. Ne rentre pas dans ces détails, je veux pas. Je me mets sur la pointe des pieds souvent. Elliot, je veux pas avoir cette image de toi. Caroline, j'ai bloqué aussi sur cette vidéo. Tu sais quoi? Je t'offre un agenda Fun Radio, d'accord ma belle? Ah super, c'est gentil, merci beaucoup. Je te fais des bisous. Mais en fait, pour faire bien caca, je suis désolé d'avoir cette discussion à 7h30, faudrait mettre ses pieds sur un petit tabouret pendant que vous êtes assis sur la cuvette. Oui, mais c'est pas bien quand t'as les pieds trop bas. Ouais. T'as des toilettes, la cuvette elle est trop haute. Ça vous arrive jamais? Merci Elliot. Il y a Damien, il est à Bordeaux. Bonjour Damien. Salut Bruno, salut l'équipe. Salut. C'est quoi la dernière vidéo sur laquelle t'as Keblo? Alors moi, c'est une vidéo un peu bête en fait. C'est quelqu'un de très petite taille qui fait un plongeon dans l'eau. C'est bon, je sais ce que c'est. C'est un extrait d'une télé-réalité américaine où en fait, c'est une télé-réalité où il n'y a que des personnes de petite taille. On peut dire les nains sans être vexant, mais voilà, ouais, c'est des personnes atteintes de nanisme. Et à un moment, tu sais quoi, on va la mettre sur la page Facebook de l'émission. On va la mettre sur les réseaux sociaux. À un moment, il y a le mec qui pousse la nana dans l'eau et il se passe un truc. Et j'ai ri, les amis. J'ai honte. Mais c'est pas se moquer. C'est, voilà, j'ai ri parce que, ouais, bon, on va le dire si vous n'avez pas la vidéo. Quand la nana tombe dans l'eau, ça fait un plic de. Il y a un tout petit exactement. Bruit. Ouais, Rio, tricotre, remets le passage. Ouais, ça c'est quand t'as trouvé. Mec, ça m'a fait pleurer d'ailleurs, j'avoue. Je t'embrasse Damien. Bisous. Tu bosses dans quoi à Bordeaux mon pote? Je suis chauffeur livreur. Et bah tu dois être en plein boulot. Bon courage à toi Damien. Merci, bisous à la famille. Belle journée, ciao. Bisous. Et en vite fait sur Twitter, il y a Mickaël Godzik, lui qui a posté une vidéo d'un Coréen fou qui rigole, t'as le son Bruno. Ah ouais. En mangeant. Ouais. Ah, elle a beaucoup tourné celle-là. Parle de qui? De Christina ou de la vidéo? Ah non, mais je sais pas ça parce va, que. C'est gênant. Chanson du jour, ça arrive. Et puis Boosty, Popcorn. Vous êtes sur Fun Radio, bon réveil. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le lait Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Le magique anniversaire de But, c'est en ce moment. Le canapé d'angle convertible Osana est à moitié prix, 599,75€ au lieu de 1189€. Un canapé à moitié prix ? Moi on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on y va aussi. Il rentre dans la surface, il tire, et c'est le but ! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Canal+ et beIN Sport avec dès ce soir à 20h45 Olympique Lyonnais Dynamo Zagreb en exclusivité sur beIN Sport et Tottenham Monaco en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix de l'appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, CanalSat 100% Sport et beIN Sport. Bougez pas, Bruno. Chanson du jour. Romain va appeler sa mère là dans quelques secondes pour lui demander d'arrêter de fumer. Et puis il y a Lucas de Nice qui va nous passer un petit coup de fil. Enfin, il a déjà eu le standard pour tout vous dire. Il croit avoir vu quelqu'un de l'équipe à la télé pendant un reportage sur une chaîne info. Et je tiens à te dire, Lucas, que oui, tu as raison puisque j'ai vu le même reportage et j'ai même chopé le son. Ah. Il y a quelqu'un de l'équipe, les amis, qui a été interviewé sur BFM TV à l'insu de son plein gré. Okay. Et la personne n'est pas contente. En même temps, quand tu passes sur BFM TV, si t'es content, tu passes pas. Bah oui. Donc, on écoutera ça dans un quart d'heure. Pour l'instant, les infos. Fun Radio. Le son. Fla. Le point sur l'actu de ce mercredi matin, c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, et on commence évidemment par la météo. Attention au sud aujourd'hui, 7 départements sont en vigilance orange, inondations et orages. L'Hérault, le Gard, la Lozère, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Ardèche. Les orages se décaleront vers la région PACA tout à l'heure. Dans le sud-ouest, le ciel sera chargé de pluie. Et plus on remontera vers le nord, plus on retrouvera des éclaircies, notamment près des frontières de la Belgique. Les températures sont en chute libre, 15 à 20 degrés ce matin. Dans l'après-midi, il fera seulement 16 à Tarbes, 19 à Bordeaux, 22 à Brest et Châteauroux, 25 à Lyon ou encore 31 à Reims. Météo France avait prévenu, le fort épisode orageux qui a frappé l'ouest du pays hier soir a provoqué quelques dégâts. Ce matin, 120 000 foyers se réveillent sans électricité. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois, mais aucune victime n'est à déplorer. Un mort et 4 blessés graves, bilan d'un accident survenu hier dans le port de Marseille. Le canot de sauvetage du plus gros navire du monde, l'Harmony of the Seas, a fait une chute de 10 mètres avec 5 personnes à bord. Cela s'est passé pendant un exercice de sécurité. La nouvelle mise à jour de Pokémon Go est disponible ce matin. Nouveauté pour les joueurs, le compagnon. Vous pouvez désormais marcher avec le Pokémon de votre choix et gagner ainsi des bonbons pour le faire évoluer. En football, Paris a fait match nul, un but partout hier soir pour son premier match de Champions League en groupe contre Arsenal, but d'Edinson Cavani. Ce soir, deux autres clubs français sont attendus sur les pelouses européennes. Lyon contre le Dynamo Zagreb, Monaco ira à Londres défier Tottenham, coup d'envoi à 20h45. Et puis l'embarquement est prévu le 17 septembre, la croisière Fun Radio partira de Marseille samedi pour une semaine de bonheur en Méditerranée, à bord vos DJ préférés de Party Fun, Mikosé et Maeva Carter, mais pas que, puisque Bruno et Elliot seront également de la partie. Réservation sur croisieredefrance.com. Je suis sûr que ça va être génial. 7h34, vous êtes sur Fun Radio. Bon réveil, Bruno vous accompagne jusqu'à 9h. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. Yeah. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Mercredi, c'est le 14 septembre. Nouveauté Fun Radio. Ça sent le gros tube. Je vous l'annonce. Hein. Reprise d'un tube des années 90, Blue. D'Eiffel 65. Remix 2016 de Sound of Legend. Je suis ouf sur ce dos. J'ai hâte de voir comment ça part. Attention. Attention. Attention. Attention. Et bien, si vous voulez quand ça part, faudra écouter avant 7h du matin sur Fun Radio. On a comme un petit problème. Le mercredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du mercredi. Chanson de ce mercredi, faites sonner le clairon pour Romain. Bonjour Romain. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Coucou. Salut. 29 ans, t'habites à Aix-en-Provence. Romain, tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. C'est l'adresse mail que vous utilisez pour participer à la chanson du jour. La chanson du jour, c'est ce moment qui vous permet de faire passer un message de kiff ou de non-kiff. Mais en tout cas, on met des mots sur vos mots. M-A-U-X. Oh. C'est beau, hein, c'est beau comme phrase. Et on appelle une personne à qui vous voudriez dire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le dire. En l'occurrence, ce matin, c'est ta mère, elle s'appelle Isabelle, elle a 49 ans. C'est bien ça ? C'est bien ça. Vous êtes très proche, c'est ce que tu me dis. Tu es le frère aîné d'une petite famille qui est assez grande quand même. Il y a Kevin, il y a Jennifer. Elle est grand-mère de 6 petits-enfants. Lauriane, Yanis, Kim, Timéo, Lorenzo, Savannah. J'ai l'arbre généalogique de la famille. C'est ça. Et alors le problème, c'est que ta mère est une grosse fumeuse. Bon, elle a ralenti un chouille. Mais ouais. Quand même, alors il faut savoir qu'il y a quelques mois, elle fumait 50 clopes par jour. C'est chaud. La vache. Deux paquets et demi de cigarettes. Mais s'il te plaît, explique-moi comment tu fais pour fumer deux paquets et demi de clopes. Je sais pas. C'est facile, j'ai une tante qui était un peu comme ça. En fait, en gros, c'est que tu passes plus ton temps avec une cigarette à la bouche que sans. C'est comme si tu les enchaînais. En fait, tu laisses 5, 10, 15 minutes entre chaque cigarette et tu... Oui, mais tu vas fumer même la nuit, quoi. Mais il y a plein d'endroits où tu peux pas fumer maintenant. C'est ça aussi qui me sidère. C'est-à-dire que tu les fumes où ces clopes ? Elles passent pas sa vie dehors. Non, mais je te dis, elle fumait la nuit. En fait, elle avait tout le temps une clope, une clope à la main. Mais elle fumait la nuit des cigarettes ? Ah ouais. Bon, tu nous dis qu'il y a 4 mois, elle a rencontré un pneumologue qui lui a dit d'arrêter maintenant si elle voulait pas se retrouver avec une bouteille d'oxygène au mieux, mec. Alors déjà, il y a l'oxygène, en gros, surtout. Qui est cancer des poumons et tout ça, quoi, vraiment. Enfin, je veux pas plomber l'ambiance, mais bon. Mais de toute façon, ça fait des années que je lui dis, quoi. Donc, elle en a bien conscience. Mais voilà, je pense qu'elle a besoin d'un petit coup de main pour terminer ses quelques dernières cigarettes, quoi. Après, le problème quand t'es accro, etc., c'est que plus on te dit d'arrêter, plus on te fout la pression, plus ça te stresse. Ouais, et donc, plus sûr. Tu fumes. Ouais. Donc, il faut vraiment que ça vienne d'elle, quoi. Ah ouais, non, mais elle en a totalement conscience. Et après, c'est vrai que c'est pour ça que je prends pas la tête avec ça. Isabelle, de temps en temps. Ta maman t'a appelé la semaine dernière, elle était en pleurs car elle est découragée, elle se dit qu'elle n'y arrivera pas. Ouais, elle a rencontré quelqu'un mais qui a complètement démotivé, quoi. Ah, c'est-à-dire, elle a un nouveau mec, tu veux dire ? Non, elle a rencontré une spécialiste, soi-disant, donc pour arrêter la clope, sauf que en sortant de ce rendez-vous, je pensais qu'elle serait remontée à bloc, sauf qu'en fait, la personne lui a clairement dit « Je sens que vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas envie », et donc du coup, elle est en larmes. Bon, Romain, je vais gérer ta mère, moi. Allez, ça marche. On va trouver des arguments. On va te la mettre à la fiche. T'inquiète. Romain, tu bouges pas. Il y a Isabelle qui est en antenne, qui ne sait pas pourquoi elle va arriver en direct à la radio. On lui fait la chanson, on lui fait passer le message et on gère le problème. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Isabelle, je m'appelle Bruno Guillon, tu es en direct sur Fun Radio. Oui, bonjour. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit en antenne, mais tout va bien, ça va bien se passer. Isabelle, si tu es là ce matin, c'est que j'ai un message à te faire passer, c'est une chanson. D'accord. C'est un message de la part de Romain. D'accord. Tu vois qui est Romain ? Oui. Bon, t'écoutes les paroles et on en parle juste après ? Oui. Tout va bien, hein, tout va bien. Panique pas. Isabelle, pas d'angoisse. Détends-toi, tout va bien. Il n'est pas enceinte. Non. On écoute les paroles, on en parle après. On ne veut pas vous inquiéter, mais si vous continuez de fumer, écoutez-le bien chanter. Voilà ce qui va vous arriver. Eh bien, sache que si j'ai cette voix, Isabelle, ouais, quand même, c'est parce que j'ai jamais arrêté une seconde de fumer. En plus, je suis totalement. Je te parle pas de ma santé. Je monte de marché, je suis essoufflé. On dirait un âne. Moi j'ai pas de famille sur qui compter. Tout le monde me fuit avec mon haleine de poney. Mais toi c'est différent, alors tu ferais mieux d'arrêter. Toujours vivant, rassurez-vous. Isabelle. Oui. Bon, on essaye de faire passer ça sur le coup de l'humour. C'est une galère, hein, la clope. Hein. Ah oui, oui, malheureusement. Ben, mais tu dis ça, moi j'ai fumé pendant 1000 ans, ma chérie. Et ça fait combien de temps que t'as arrêté d'ailleurs, Bruno? J'ai arrêté 7 ans, j'ai repris un peu et j'ai réarrêté. Et là, ça y est, je pense que c'est la bonne. Isabelle. Oui. On n'est pas là pour te juger. On sait ce que c'est. C'est un cauchemar. La clope. C'est pour ça que je le dis aux plus jeunes qui écoutent Fun Radio. Cette clope, cette putain de clope qu'on te propose de fumer à la sortie du collège ou du lycée, tu te dis merde, si je la fume pas, je vais passer pour un con. Bah évite de la prendre quand même, parce ça qu'elle te pourrit bien la vie après. Alors Isabelle, quand même, je tenais à te féliciter parce que visiblement t'es passée de 50 à 10 clopes par jour et déjà c'est énorme. Ouais, c'est top, déjà, il faut le dire. Bravo. Donc moi je pense que tu peux vraiment y arriver et l'idée de cette chanson c'est de te motiver encore plus. Oui, moi j'ai mes enfants voilà qui sont derrière et qui me motivent donc voilà. Et mes petits-enfants surtout. Et ben c'est surtout ça les petits-enfants, Isabelle. Là t'es à 10 clopes par jour. Oui, mais bon, faut vraiment que j'arrête définitivement pour souci de santé, donc bon, c'est pas facile quand on fume depuis 40 ans, donc bon. Non, pas depuis 40 ans, Isabelle, t'as pas fumé ta première clope à 9 ans. À 11 ans. Ouais. À 11 ans, je vais en avoir 50. Et donc bah, ça fait 38, c'est pas pareil. Ah oui, mais bon. Tu sais, Isabelle, il y a un truc qui marche pas mal. Moi, j'ai jamais essayé, mais c'est l'hypnose. On en parle souvent. Ouais, alors je crois si qu'elle a essayé l'hypnose, essayé mais ça a pas marché. Ouais. Mais il faut essayer avec plusieurs personnes, hein, parce que ça change. Et sinon, oui. Tu te coupes les bras et puis on en parle plus. Isabelle. Les bienfaits sur l'arrêt du tabac, quel que soit l'âge, ça marche. Moi, je te dis, j'ai mon oncle qui est un gros fumeur, d'accord. Un jour, il y a un médecin qui lui a dit à 60 piges, si vous arrêtez pas de fumer, vous allez crever. Il a arrêté. Et il a vécu jusqu'à plus de 85 ans. Tu vois, donc ça marche. Oui, bien sûr. On a les premiers bienfaits au bout d'une semaine, deux semaines, déjà, on se sent mieux. Et Isabelle, est-ce que tu as essayé la cigarette électronique? C'est comme ça qu'a arrêté ma mère. Elle fumait 50 clopes par jour comme ça. Et ça fait 2 ans qu'elle a arrêté de fumer grâce à ça. T'as essayé? Alors, j'ai essayé la cigarette électronique, j'ai essayé le patch, j'ai essayé les cigarettes, donc alors, bon... Faut te couper les bras, comme dit Vacher. Sinon, Isabelle, j'ai mon pote Pierrot, il a arrêté quasiment de fumer depuis qu'il s'est mis à fumer de la beuh le soir. Non. Il fait son petit joint, il est à Isabelle. Toulouse. Isabelle, je vais te poser une question, tu vas me donner la réponse dans 4 minutes. Oui. D'accord. Ton rêve, ce serait quoi? Ton rêve le plus fou. Si j'avais la possibilité d'un coup de baguette magique de te filer un truc, ce serait quoi? Tu voudrais quoi, là, tout de suite? Tout de suite? Alors, moi, c'est un projet, si vraiment, en espérant que, sincèrement, ça marche, d'arrêter de fumer, c'est de me faire une croisière d'une semaine, que c'est un rêve et que je n'ai jamais fait. Donc, voilà, une croisière d'une semaine. D'accord. Isabelle, tu bouges pas, on va te reprendre en direct dans 4 minutes. D'accord? À tout de suite. Diplo, DJ Snake, Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio, le son dance floor. 3228, service payant, 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Intersport. Chloé, je sais qu'en ce moment c'est girl power chez Intersport, mais tu veux pas enlever tes chaussures de sport là? Oh non, elles sont super légères et trop confortables. Oui, mais là Chloé... Là quoi? Bah là on est au lit. Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les chaussures femmes Nike Air Relentless 6 sont à 48,99€ au lieu de 69,99€, soit 30% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Juan va tester à l'aveugle 2 cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan, j'aime. Et j'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Oh, ain't you said from up above. c'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Mercredi, c'est le 14 septembre, c'est Fun Radio, c'est Boosty là, qui va arriver et le remix de Blue. Isabelle, on t'a appelé tout à l'heure. Isabelle, on avait un message qu'on t'a fait passer en chanson. Isabelle est fumeuse et ses enfants lui demandent d'arrêter de fumer. Ça va Isabelle, tu termines un peu? Un petit peu. C'est pas, voilà. Dis-moi que voilà. Dans les 5 minutes, on t'a laissé toute seule, tu t'es pas allumé une clope quand même. Disons que comme je suis une belle roulette, c'était éteint, donc je l'ai rallumé. Honnêtement, je vous le dis. Ah. En plus, la clope du matin, celle qui fait puer de la gueule et tout, elle est compliquée. Eh oui. Bon, Isabelle, le message, on te l'a passé nous, mais en fait, c'est Romain qui voulait te le faire passer. Romain, t'es en direct avec ta mère. Salut, maman. Bonjour, chérie. Ça va? T'as encore pleuré? Bah, oui. Bon, oui, écoute, voilà, bah, si j'ai voulu faire appel à Bruno dans la radio, bon, c'est pas du tout pour t'afficher, tu le sais très bien, c'est juste pour je le sais que t'as réalisé qu'il fallait que, avec ta conscience, qu'il faut que t'arrêtes, mais c'est juste pour que tu comprennes vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière toi. Il y a Kevin, il y a Jenny, il y a les petits, mais voilà, il y a aussi plein de monde autour, que ce soit qui, hein, les parents, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est derrière toi, quoi. Voilà. Isabelle. Oui. J'ai envie de t'aider parce que je sais que c'est tellement dur, la clope. Ah oui, tu connais Bruno. Je te dis, moi j'ai arrêté 7 ans, j'ai repris au bout de 7 ans, je me suis dit, bon bah les gars, c'est bon, 7 ans, je peux refumer un délire. J'ai fumé une soirée, d'accord, le lendemain j'ai repris comme si je m'étais jamais arrêté. C'est un truc, c'est de la merde. Tu me disais, juste avant de te quitter, si je te disais là d'un coup de magie, je peux réaliser un vœu, tu veux faire quoi? Tu m'as dit faire une croisière. Oui. Isabelle, on fait un deal. Oui. Nous avons des amis ici à Fun Radio, d'ailleurs pour qui nous allons faire une croisière très bientôt, une croisière Fun Radio que nous allons co-animer avec Elliot. Oui. C'est nos amis de chez Croisière de France. D'accord ? Oui. Isabelle. Ils sont extrêmement sympas et en plus en termes de croisière, c'est le nec plus ultra de la crème, de l'élite, de la cerise sur le gâteau des croisières. Croisière de France, ils sont au top. Ah ça. Je m'engage, Isabelle, à te dealer auprès de Croisière de France une croisière, d'accord ? Oui. De kiff, en famille. Ok ? Oui. Mais par contre... Eh oui. Plus de cigarettes. Ouh. On est quoi ? De toute façon, c'est une croisière en fumeur, je crois. On est au mois de septembre. Oui. On se dit que... Allez, il faut quoi, septembre ? Moi, franchement, on se dit Noël. D'accord ? On se rappelle début janvier. D'accord. Isabelle, si début janvier t'as arrêté la cigarette. D'accord, oui. Et évidemment, et alors là, on va faire un peu dans le détail, mais je suis quand même obligé, tu vois, pour voir. Oui, non, bien sûr. Je sais que moi, tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon emprunt pour acheter ma maison, on m'a demandé de faire un test pour voir si j'étais non fumeur ou fumeur. On te demandera une vérification pour voir si t'as vraiment arrêté de fumer, tu vois, genre un petit examen. Si on a l'examen qui prouve que t'as plus de nicotine, que t'as arrêté de fumer, on t'offre la croisière pour toi et la famille. D'accord ? D'accord. Est-ce D'accord. que ça peut être une source de motivation ? Oui, tout à fait. Et je compte sur toi. Et tu oui. pars avec les enfants et tout ça, hein. D'accord Isabelle ? Ah oh, bah ça serait un cadeau déjà aussi pour eux, pour bon. Moi, et puis bon, déjà moi, ma santé, et puis ben, voilà. Et Isabelle, tu te motives ma chérie, ok ? On te rappelle D'accord. début janvier, on le note au standard les amis, c'est noté. On t'embrasse. Romain ? Voilà Bruno. Je peux pas faire mieux. T'es un fou. Trop fort. Oh bah non, ça repose sur ta maman. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un autre jeu là. Romain, maintenant tu la fliques, hein. C'est la folie. Oh, ouais. On a ouais, l'esprit sur le gâteau, mais après faut la fliquer. On t'embrasse, Romain. Ouais. Merci, bisous à vous. Vous êtes bisous. Top. Hop, c'est bon. Elle a 4 mois pour se mettre de mèche avec une infirmière, truquer les résultats et l'inviter à la croisière. Non, moi j'y crois. J'y moi crois. Aussi. Moi, je pense à tous les non-fumeurs qui sont en train de se mettre à fumer justement pour pouvoir arrêter et appeler Bruno et gagner des croisières. Mais je mets une Ferrari. Mais honnêtement, voilà, je ferai pas ça tout le temps. Mais là, voilà, si on peut y bien, arriver, tu bien. Vois, c'est un côté, ça te fait kiffer, quoi. C'est pour le karma. Allez, voici Boosty. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes à en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. dans un monde sans soleil. Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Boosty sur Fun Radio. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image faux, journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, People, c'est en une du Parisien. Aujourd'hui en France, Sophie Marceau a déclaré « J'aime ma vie ». Être une star, super belle, ne jamais vieillir, être amoureuse, heureuse, super riche, aimée de tout le monde. Franchement, je vois vraiment pas où est le kiff. Cinéma Cannes déroulera le tapis rouge vendredi pour le premier festival international du film sur le handicap. Bon bah, en revanche, vous vous en doutez, il n'y aura certainement pas de montée des marches. Hein. La prochaine saison des Marseillais de W9 sera tournée en Amérique du Sud. Anthony Bosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait. Je suis justement en pleine forêt tropicale avec tous les Marseillais. Voilà, allez-y, c'est ça. Avancez par là. Anthony, vous êtes sûr que ça ne craint rien, la forêt tropicale ? Si, justement, avec les serpents, les mygales et les crocodiles, on devrait être peinards cette année avec les Marseillais de W9. Bien vu, Anthony. Merci beaucoup. La suite. Et pour finir, si vous aimez les crocodiles et la sieste, portez un polo La Poste. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Il y a Lucas qui a appelé le 3228 ce matin. Bonjour Lucas. Bonjour Bruno, bonjour la famille. Coucou. Je suis désolé, je viens de te voir qu'on t'avait fait attendre un peu au standard, mais avec l'histoire de la chanson du jour et tout ça, on a pris un peu de retard ce matin. Non mais pas de soucis. Lucas, voilà. Alors tu regardais BFM TV ce matin, ouais. C'est ce que t'as dit à Aurel au standard, ouais, ouais. Et t'as cru capter un délire. Ouais, j'ai cru voir un mec crâne rasé, lunettes à poste, en mode resta dans sa bagnole, interviewé, et je me demande si c'était pas Nicolas Diweb, quoi. Alors, tu sais quoi, nous avons récupéré le son de ce reportage qui passe depuis ce matin sur BFM TV, écoutez. Selon les estimations de la mairie de Paris, le trafic augmente sur cette rue parallèle de près de 40%. Ça me double ou voire triple le temps de trajet, donc c'est vraiment chiant pour moi. Est-ce que Nicolas, tu peux répéter cette phrase ? Ça me double ou ça me triple le temps de mon trajet et c'est chiant pour moi. Ça me double ou voire triple le temps de trajet, donc c'est vraiment chiant pour moi. Hey, Nicolas, c'est bien lui. En tout cas, on disait que sur Fun, c'était le gars qui passait son temps à se plaindre et sur les réseaux sociaux, sur BFM aussi. Le mec continue. Lucas, on va t'offrir un cadeau, mon pote. On t'a fait attendre au standard, je suis désolé. On va te filer l'agenda Fun Radio. Je t'embrasse. Ok, je vous embrasse, merci. Ciao, ciao. Bisous. Ouais, extraordinaire. Hey, tu gueules un peu, Nicolas ? Ça me double ou voire triple le temps de trajet. Donc c'est vraiment chiant pour moi. J'adore. Bon, on arrête les SMS, les amis. On arrête les SMS. On va vous appeler là dans 3 minutes à peine pour gagner l'iPhone 7. Ouais, on a lancé ce matin. On a lancé vers 7h10. On avait dit une demi-heure. On a fait le tirage au sort dans les temps. Mais là, je suis désolé, on est un petit peu à la bourre. La chanson du jour nous a un petit peu mis dedans, mais c'était bien. Je vous appelle dans 3 minutes. Dans 3 minutes, je vous appelle pour vous offrir l'iPhone 7. Si vous avez envoyé un SMS, bah, ça peut tomber sur vous, la famille. Il partira par Chronopost de façon à ce que vous l'ayez vendredi, le jour de la sortie. Je vous l'avais promis avant 8h du matin, on va le mettre juste après 8h. Et cette émission est faite en direct, les amis. Cette émission s'écrit par vos coups de fil, par votre vie à vous. Donc des fois, bah, on n'est pas forcément calé à la seconde près. Sound of Legend Blue, ça arrive et à 8h10, je vais payer de la facture. C'est Fun Radio, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Gâteau, gâteau chocolat, citron, coco. Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Châteaufort, Marelle. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. Avocat distingué cherche crevettes élégantes pour faire une rentrée très classe. Justement, chez Grand Frais, les crevettes entières cuites réfrigérées sont à 11,90€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 17 septembre, 40 à 50 pièces au kilo élevées en Équateur et autres pays, élaborées en France. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Oui, c'est exactement ça, Dropy. T'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Mais je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Le mois Carrefour. Wow, pendant le mois Carrefour, il y a des deals du jour complètement renversants. Oh, regarde, aujourd'hui, le téléviseur LED HKC 61 cm est à seulement 99,90€ au lieu de 129. Alors là, j'en crois pas mes yeux. Wow. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, dans les hypermarchés Carrefour et sur carrefour.fr, le téléviseur LED HKC 61 cm est à seulement 99,90€ au lieu de 129. Référence EH24H4, garantie 2 ans. Carrefour. À votre avis, ça coûte combien de se faire livrer à domicile et à volonté toute l'année? 49€? Et non, sur Cdiscount, c'est seulement 19€. Avec Cdiscount à volonté, faites-vous livrer dès le lendemain et ça toute l'année, autant de fois que vous le voulez, des millions de produits pour seulement 19€ par an. Cdiscount? Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre pour toute commande supérieure à 25€, soumise à condition, consultable sur Cdiscount. Bougez pas, Bruno. Brioche ou croissant, c'est le choix qu'on demande à un people tous les matins. Ce matin, c'est Iris Mittenaere. C'est pas facile à dire, c'est l'actuel News France. Il fait brioche ou croissant après les news. Fun Radio. Le son. Fla. Les infos de ce mercredi, c'est le 14 septembre, c'est Maxime Poulaouec, bonjour. Bonjour Bruno, bienvenue à tous sur Fun Radio, on démarre par la météo de ce mercredi. 7 départements toujours en alerte orange, inondation et orage dans le sud. Cela concerne l'Hérault, le Gard, la Lozère, l'Aveyron, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et l'Ardèche. Il va continuer de pleuvoir sur la moitié sud aujourd'hui avec pas mal de vent. Plus on ira au nord, plus le ciel se dégagera, notamment près des frontières de la Belgique. Il fait 15 à 20 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 19 à Bordeaux, 21 à Perpignan, 22 à Tours, 25 à Lyon, 29 degrés pour Paris, 31 à Reims. Et les conditions météo ont provoqué des dégâts dans l'ouest du pays ce matin. 120 000 foyers sont toujours privés d'électricité entre les Pyrénées et les Charentes après le passage d'un fort épisode orageux. Les agents URDF sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant. Les pompiers, eux, sont intervenus des centaines de fois pour des arbres sur les chaussées et les caves inondées. Il n'y a pas de victimes. À 10 jours pour venir en aide aux 400 salariés, le gouvernement va tenter dans les prochains jours de trouver une solution pour les employés d'Alstom à Belfort. L'avenir du site est menacé d'un transfert massif. C'est un dossier empoisonné pour l'exécutif à 8 mois de la présidentielle. Vous êtes des petits gourmands. Le marché des bonbons est en hausse de 2% au premier semestre de 2016, selon des chiffres du syndicat national de la confiserie. Un plaisir que l'on s'accorde et qui fait du bien dans le climat actuel. En moyenne, un Français avale plus de 3 kilos de bonbec chaque année. Le football, Paris rate son entrée en Ligue des Champions. Le PSG a été accroché au Parc des Princes hier soir. Un but partout contre Arsenal. Ce soir, deux clubs français entreront en lice à 20h45. Un Tottenham contre Monaco et Lyon face au Dynamo Zagreb. Aux Jeux Paralympiques, nouvelle médaille d'or pour la France. Fabien Lamiraux s'est imposé hier soir en tennis de table. C'est la 12e médaille pour la délégation tricolore à Rio. La 4e en or après notamment le doublé de Marie-Amélie Le Fur. Il est 8h04, vous êtes sur Fun Radio, on retrouve Bruno dans la radio jusqu'à 9h. Bonne matinée. Fun Radio. Mercredi, c'est le 14 septembre. Vous écoutez Fun Radio. J'ai envie de vous dire bonjour. Bonjour. Oh, et elle est canon. La demi-heure qui arrive, elle est canon. 8h10, je paye de la facture. Il y a le nouveau Pitbull Florida. Green light, quand ça parle. À l'ancienne. Go, oh, oh. Bouge ton boule. J'adore ce titre. Ça va arriver, puis. En nouveauté, je vous l'avais promis avant 8h, ce sera juste après 8h, c'est pas grave, l'essentiel c'est de l'avoir. Sound of Legend. Je sais pas si vous vous souvenez d'un titre des années 90 d'Eiffel 65, et ben c'est le remix. Ça arrive dans quelques secondes, l'original c'était ça. T'as pété dans les draps. Christina, ça va bien ? Oui, au top. Et ben ça s'entend. Et Vaché aussi, ça s'entend. Ah, bonjour, ça va très bien, merci Bruno. Elliot, ça s'entend moins, mais il est là, il est content d'être là. Oui, moi je suis heureux. Je suis heureux. Amis, on a lancé tout à l'heure un jeu SMS. iPhone 7. Alors Elliot, tiens, justement, oui. Toi qui es le geek de l'équipe. Oui, Bruno. T'as toujours le nouvel iPhone. Voilà, il coûte quand même très très très très très cher. Ouais, j'hésite parce que ça vaut pas le coup. Il y a pas assez de nouveautés pour moi. Mais bon, après, c'est le meilleur iPhone jamais créé, Bruno. Ouais, c'est l'argent quand même, les gars, putain. Bah oui. Et on parle de, c'est la moitié d'un salaire, au mieux d'ailleurs, tu vois. Quand je dis ça vaut pas le coup, c'est que j'ai l'iPhone 6, c'est pour ça, genre. Ouais. Tu gagnes 1200 boules par mois, va te payer un téléphone à 760€. C'est galère. Après, bon, c'est sûr que tu peux avoir des points avec ton opérateur, ouais. Tu peux le payer moins cher. Attends. Tu les as rarement dès le début. Hein. Moi, j'ai un contact, il peut vous avoir des iPhones pour 20€. Voilà, faut commander un peu avant, c'est tombé du camion. Mais... Bon, et tu sais quoi, ici, on en offre, voilà, depuis l'annonce par Tim Cook du nouvel iPhone. On a pris le parti avec nos amis d'Apple de vous l'offrir en avant-première. Comment ça se passe? Bah, tous les matins, voilà, on fait un petit concours. Ça se joue sur une demi-heure, on vous demande d'envoyer un SMS et puis après, bah, on a un ordinateur qui choisit un SMS au hasard et on appelle quelqu'un en direct et on file l'iPhone 7. Ce jeu, ce matin, c'était entre 7h10 et 7h40. Le tirage a été fait à 7h40 et le numéro qui est sorti, c'est celui que j'appelle maintenant. On a dit, on laisse pas de message sur répondeur, faut que ça décroche. Oui. On est d'accord, Christina? On est d'accord. Là, aujourd'hui, il faut que ça décroche. Je veux quelqu'un au bout du fil pour filer l'iPhone. Donc, si c'est un répondeur, on passe à autre chose. On passe à quelqu'un d'autre. Bah, dites-moi, Christina. Ah, bah, t'as pris la décision, d'accord. Oui, je te dis. Allez, oui. Je suis pas pour l'instant, mais après bip, vous savez quoi faire. Allez. Ah, merde, bah, alors, j'ai pas compris, du coup, ce qu'il disait en plus. On a pas. Ça... Ah, je suis pas là pour l'instant, après le bip, vous savez quoi faire. Voilà. Je suis imitateur de. Votre vocal. Le premier ne répond pas, j'appelle le deuxième. Moi, je veux entendre quelqu'un qui crie. Excusez-moi d'avoir envie d'entendre quelqu'un qui crie. Moi aussi, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui crie. Ça fait des années, va. Mais... En attendant, auquel le brioche ou croissant qui arrive dans quelques secondes avec l'actuelle Miss France. Allô ? Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Allô ? Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Didier. Didier, bonjour Didier. Didier, t'habites où ? À Tournai. À Tournai ? Ah, bah, c'est en Belgique. Attendez, parce que je vous entends très, très, très mal. Excuse-moi. C'est Fun Radio, c'est pareil. Oui, c'est Fun Radio. Didier, t'as gagné un iPhone 7. Voilà, question que je... Bravo. Merci, merci. Didier, t'es où? Mais Didier, t'es où? Ben, je suis à Gorin, c'est un petit truc là, au milieu de la campagne, on capte pas grand-chose. Mais c'est quoi les gens qui parlent autour de toi? Bah, c'est tous mes collègues de travail. Mais tu fais quoi comme boulot en Belgique? Je travaille à la société Wallonne des Eaux. D'accord, ok. Oh. Bon, et tu gagnes le nouvel iPhone, Didier? Ah bah écoute, j'y crois pas, là. Et ben, alors, et en plus, on fait juste connaissance, Didier. Tu nous découvres en Belgique depuis deux semaines. Oui, il n'y a pas longtemps. Et franchement, avant, j'étais un auditeur de Radio Contact. Et comme par hasard, une fois, je suis tombé sur vous. Et depuis ça, là, Bruno, là, tu m'éclates. Eh ben tu sais quoi, ça me fait plaisir. Didier, je suis content que ça tombe chez toi. On te repasse le standard en antenne, d'accord? Et on prend tes coordonnées, on t'envoie l'iPhone, tu l'auras vendredi, d'accord mon pote? Merci beaucoup. Super. On t'embrasse, on te passe le standard. Bisous mon Didou. Bisous Didou. Allez Didou, il est à Didou. Allez, brioche ou croissant les amis, celle qui est ce matin passée à la question, c'est Miss France. Dommage qu'elle n'ait pas passée à la casserole. J'ai compris quoi. Tu vois ce que je veux dire ma chère. Merci. Ils sont là mes relous. Les amis, vous allez reprendre un petit combien des cacahuètes. Et nous, on va écouter Iris Mittenera. Brioche ou croissant? Go. Croissant, j'aime quand ça croustille. Talons ou basket? Il y a quelques mois, j'aurais dit basket, mais maintenant, je suis tellement habituée à être en talons que je me sens plus moi en talons. Chatouilleuse ou pas? Énormément. Ongles longs ou courts? J'aime pas trop quand c'est trop long. Au bout d'un moment, ça me gêne. GPS ou carte? GPS. Je peux pas me passer du GPS, je vais même le GPS pour rentrer chez moi. Robe ou jupe? Robe. Bonnet ou cagoule? Je dirais bonnet. Dépensière ou économe? Plutôt dépensière, ouais. Merguez ou chipot? Merguez. Photo ou selfie? Selfie quand même, ouais. Selfie au moins, on peut essayer d'arranger. Pourquoi ce fou rire au milieu de brioche au croissant? Bah, je me dis que quelqu'un qui met son GPS pour rentrer chez lui tous les jours... quand même assez bizarre. Bah non, mais moi je suis parti du principe totalement con, hein, je suis d'accord, que tu connais ton adresse. c'est pour ça que ça m'a fait. Non, mais parfois. Mais j'ai vraiment des principes à la con. Tu connais pas de chemin, bah, je sais pas. Oui, bien sûr. Pas parce que tu le fais tous les jours que forcément tu vas le connaître. Bah, les gars, elle est miss hein, en même temps. Genre, même quand tu essaies de perdre ton chien, je veux dire, il retrouve la route. Hein. Donc, bon, bref. Les amis, nouveauté Fun Radio, écoutez. Sound of Legend, voilà, première diffusion française, c'est chez Fun Radio, c'est le remix de FL65. On a craqué sur ce titre, il nous fait bien kiffer. Les amis, il faut que je vous parle. En fait, on va vous parler à deux avec Vaché parce qu'on a eu deux moments de lose à deux, en fait. Enfin, pas en couple, mais chacun hier, on a eu notre moment de lose. Et Vaché commence par le tien, je file le mien. Ok, bah alors ma femme qui est enceinte, elle doit faire un petit massage dans les endroits intimes en ce moment pour se préparer à l'accouchement, voilà. Et donc, on a commandé à la pharmacie une crème pour le périnée. Bref, bon, c'est un peu gênant. Bref, on a fait ça il y a deux jours et le pharmacien devait la recevoir hier, donc j'y vais hier. Il n'était pas là, le gars, c'était sa collègue. Donc, j'ai dit, excusez-moi, j'ai commandé une petite crème pour ma femme. Et j'ai fait genre, je me souviens plus ce que c'est. Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la pharmacie. Ouais, ouais. Et le mec de la veille, il sort de derrière les rayons, il fait « Ah, le périnée ! Oui ! Ah bah, c'est demain !» Donc c'est aujourd'hui qu'on le reçoit. « C'est demain, la crème pour le périnée, pour le massage du périnée !» Oui, ben oui, monsieur. Mais il y a du monde, en fait, donc on ne parle pas du périnée de ma femme devant des gens. Donc je me suis cassé. Mais c'est hyper gênant, mais ils sont tarés, les gars. Je croyais que c'était des légendes, mais dans les pharmacies, ils sont tarés. Moi, il m'est arrivé un truc horrible. Je l'ai raconté à Christina, je vous jure... Vous savez, ce qu'on vous dit le matin à la radio, voilà, on vous raconte notre vraie vie. Je pense aussi que c'est pour ça que l'émission marche, parce que vous savez que voilà, c'est sans filtre, qu'on s'invente pas une vie. Quand on dit qu'on est potes, vous voyez nos vidéos, ça se voit qu'on est potes. Y a pas de... Hier, il m'arrive un truc. J'ai un pote à moi qui a perdu sa grand-mère. Enfin, qui a un pote. C'est un pote, voilà, on s'est un peu fâché. C'est un pote vite fait. Ouais, quoi. Non, j'aime beaucoup le gars, mais c'est vrai qu'il m'a fait un ou deux plans tordus. Mais enfin, bon, c'est quelqu'un dans l'absolu, tu vois, pour qui j'ai toujours d'affinité, j'ai du mal à être rancunier. Et le mec a posté un truc sur Facebook en disant qu'il avait perdu sa grand-mère. D'accord ? Et ça m'a quand même touché, tu vois, j'ai dit... Et donc, j'ai voulu lui envoyer un petit message par un smiley. Ouais. Okay, et donc, quand t'es sur l'iPhone, tu vas dans tes smileys, et il y en a que tu utilises souvent, donc tu sais, t'as une touche où tu vois tous les derniers que t'as utilisés, ok. Ouais. Et donc, je fais ça de la maison, et je veux lui envoyer le smiley avec un cœur, genre, mec, je pense à toi. Ouais. Je vous jure sur la tête de mon fils que c'est vrai, ce que je vais vous raconter. D'accord. J'appuie, et j'envoie, et en fait, je me rends compte au moment d'envoyer qu'au lieu d'envoyer le cœur, j'envoyais le pouce qui fait OK. C'est genre. Oh non! Genre like. Super. Genre en like, tu vois. Je veux pour effacer le pouce. Tu vois, genre tout de suite, j'efface. Et vous savez que j'habite dans le trou du cul du monde où ma connexion internet, des fois, elle se dit, bah, je vais m'arrêter. Ouais. Je te jure sur la tête de mon fils qu'au moment où j'envoyais le truc, plus de connexion internet. Oh là là. Et là, j'essaye de sortir dans mon jardin pour choper la 3G, pour pouvoir effacer le dos en 3G. Pareil, essayer faire merder. Donc pendant 5 minutes, et après j'ai pu faire la correction, pendant 5 minutes, le gars dans son mur Facebook a eu, voilà, j'ai perdu ma grand-mère, lui en photo avec sa grand-mère et tout ça. Et tout le monde était assez triste, machin et tout, smiley de triste et tout. Et il y avait écrit Bruno Guillon avec genre, hey, le pouce en l'air, genre, hey, elle est morte. Ah, c'est tellement gênant. Vous savez quoi, partage de moments de solitude. Allez, hop, mercredi solitude. 32-28. On fait de la radio ensemble. Vous nous racontez votre dernier moment où vous vous êtes senti vraiment mal à l'aise. On en parle juste avant 8h30. Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, aux alentours de 7h15 et de 8h15, Fun Radio est la seule radio en France à payer vos factures. Et vos factures, faut les envoyer par courrier à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 Paris, ou bien par mail à facture@funradio.fr. Si on vous appelle en direct le matin, votre facture s'est payée, c'est cadeau, c'est pour nous. On part à Nîmes, département du Gard, chez Hélène. Allô ? Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio. Eh ben voilà. Ouais. Bravo. Comment ça va, Hélène ? Ça va, très bien. Ça s'entend. T'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? J'ai 21 ans et je suis infirmière. Ah, allez, infirmière. Qui m'a rempli l'affiche d'Hélène au standard ? Bonjour Amélie du standard, ça va bien Amélie ? Oui, très bien. Ouais, comment ça va, Louzman ? Bah oui. Qui m'a rempli l'affiche d'Hélène ? Ah, c'est pas moi. Amélie, c'est toi ? Alors, une infirmière, c'est quelqu'un qui fait des soins sur des bêtes dans une ferme ? Oh là là ! Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'écrire infirmière, elle a écrit infirmière. Ah, ah. Compliqué. Hélène, c'est compliqué, infirmière, t'as raison. Mais c'est comme commissariat, on sait jamais. 308,98 €. Qu'est-ce que c'est que cette facture ? C'était un épilateur à lumière pulsée. Ce que je me suis acheté avec ma première paye. Ah, et alors, est-ce que c'est bien ? Ça fonctionne ou pas ? Ouais, franchement, ça fonctionne pas mal. C'est le truc ? Ça ressemble à un taser et tu le mets sur les poils, ça brûle les poils à la racine. À peu près, ouais. Et d'accord. Ça fait pas mal ? Non, ça fait juste un peu chaud, mais ça fait pas mal. Mais alors, putain, ça doit mettre 1000 ans si tu veux le faire sur tout le corps. Bah non, franchement,

L'info en temps réel, l'info people en temps réel, c'est l'alerte people de Christina, ça peut tomber n'importe quand. Et une info là qui vient de tomber concernant Calvin Harris. Ouais, c'est une bonne nouvelle puisqu'après l'énorme succès cet été de son titre avec Rihanna, Calvin Harris va sortir un nouveau single, ça va être vendredi. Et cette fois c'est lui qui va chanter dessus comme Summer si vous vous rappelez. Là c'était sa voix. Et bien sur ce nouveau single, ce sera sa voix aussi, ça va s'appeler My Way. Il y a déjà le visuel, je vous le poste sur la page Facebook Bruno dans la radio. Et si vous êtes sage, j'aurai peut-être un extrait dès demain matin. Ah. Peut-être. En général, même sur n'est pas sage, tu le mets, je te connais. Normalement, oui. T'es comme la maman qui punit en disant, voilà, t'auras pas de dessert, puis à la fin, la pitié, elle nous donne un petit bout de dessert quand vrai. Même. On sait ce que c'est. Vous écoutez Fun Radio, c'est Pitbull et Florida, tout de suite. Hi, it's your boy Florida with Bruno on Fun Radio. Mr. 305, Flo Rida and Lunch Money, three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go, let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up, so give me the green light, cause I'm ready to go. That means that we can do anything, anything that you dream. I want them loose in this thing, like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Serena Venus, flow a genius, smoking Phoenix, you never seen this, I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending, so I'm tryna ride out, slide out, rally strikes, 7500 pound out, hey, red light, green light, everybody take a shot, red light, green light, give me everything you got. C'est ça, c'est le nouveau Pitbull à l'instant sur Fun Radio. Wow! Sérieusement, il y a une casse qui vous manque, quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Tiens, un bisou à Lou, là sur Twitter, qui m'a mis une petite dédicace. S'il te plaît, Bruno, je m'appelle Lou. Eh ben Lou, je te fais une petite dédicace à la postée avec le hashtag Bruno Fun Radio. Dernier moment de solitude pour vous, c'était quoi? Tiens, en parlant de moment de solitude, moi je disais Malouze, là, le mec, voilà, ouais. Mon pote, au lieu de mettre un cœur, j'ai envoyé un pouce levé. Hein. Deux pouces. Sur le décès de sa grand-mère, c'était chelou. Il y en a un en termes de loose. Peut-être qu'on peut la mettre sur la page Facebook, Nicolas, aux Jeux Paralympiques. Il y a un gars qui a voulu féliciter l'archer Mads Stutzman, qui venait d'avoir la médaille d'or. Voilà. Ah ouais. Gros moment de solitude. Le gars a eu la médaille d'or. Il a une particularité, le mec, c'est qu'il tire à l'arc de ouf, c'est-à-dire qu'il met dans le mille, il a pas de bras. Ah, il tire avec ses pieds. Ouais. Ouais. J'ai vu les images, c'est ouf. Ce qui est encore plus ouf, c'est le gars qui a voulu lui remettre la médaille, qui lui a mis la médaille et qui a voulu lui serrer la main. Oh, bah quand et donc, même. T'as le moment, il tend le bras, puis tu sais, le genre, tu passes la main dans les cheveux. Ouais, moment de solitude. Laurent, à Saint-Quentin, salut Laurent. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Dernier moment de solitude, c'était quoi toi? Ah, bah c'était pendant l'été avec la copine, on se baladait sur la plage et puis bon, chaleur, rapprochement des corps, on veut faire un câlin quoi. Ouais. Et on trouve le jardin d'une propriété, apparemment personne, donc on va dans ce jardin. Et là, au bout de 10 minutes, et ben, la lumière s'allume et il y a le vieux qui sort parce qu'il avait entendu du bruit dans le jardin. Quoi.

Le point sur l'actu de ce mercredi 14 septembre. Maxime Poulaouec, comment ça va? Très bien, et toi Bruno? Eh ben bien, pas besoin de voyager, regardez, on voyage tout de suite avec Maxime. Là, on fait le Tour de France en même pas une minute avec la météo. Oui, on commence par cette alerte orange, orage sur 7 départements du sud, le Gard, la Lozère, l'Hérault, l'Aveyron, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ça concerne également les inondations, il va continuer à pleuvoir sur ces régions et plus on ira vers le nord et notamment près des frontières de la Belgique, plus il fera beau et chaud, comptez 15 à 20 degrés ce matin. Dans l'après-midi, ça baissera pour les régions sous l'eau, 16 à Tarbes, 19 à Bordeaux, 25 à Lyon, mais encore 29 à Paris et 30 à Reims. Plus de 100 000 impacts de foudre dans le sud-ouest. Hier soir, un fort épisode orageux a donc éclaté près des Pyrénées, entre le Pays Basque et les Charentes. 120 000 foyers sont privés d'électricité ce matin. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois pour des caves inondées et des arbres sur la chaussée. 10 jours pour venir en aide aux 400 salariés, le gouvernement va tenter dans les prochains jours de trouver une solution pour les employés d'Alstom à Belfort. L'avenir du site est menacé d'un transfert massif. C'est un dossier empoisonné pour l'exécutif à 8 mois de la présidentielle. Le malaise des blouses blanches. Les infirmiers sont en grève aujourd'hui à l'appel des syndicats. Une grève qui se traduira par le port d'un brassard noir. Des actions seront menées dans les établissements hospitaliers pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Pokémon Go évolue au plus grand plaisir des joueurs. La nouvelle mise à jour a été déployée par l'éditeur. Elle est disponible ce matin. Parmi les nouveautés, l'arrivée de votre compagnon. En gros, vous marchez avec le Pokémon de votre choix pour gagner des bonbons, mais aussi la compatibilité avec la nouvelle montre connectée à Pokémon Go Plus, disponible dès vendredi. 3 matchs sans victoire, ça commence à faire long. Le PSG a été tenu en échec pour son premier match de Ligue des Champions hier soir. Un but partout contre Arsenal, but d'Edinson Cavani. Ce soir, Lyon recevra le Dynamo Zagreb et Monaco ira sur la pelouse de Tottenham. Coup d'envoi à 20h45, 8h34, vous êtes sur Fun Radio. Bonne matinée. Tous les matins. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Hashtag Bruno Fun Radio, tiens, on parlait des moments de solitude, il y en a plein d'autres là qui sont arrivés, notamment sur Twitter. Il y a Gabriella qui dit qu'elle a engueulé un mec qui lui a refusé la priorité, puis en fait c'était elle. Ah voilà. Ah. Ouais. C'est vrai qu'en voiture c'est compliqué. En voiture tu peux t'énerver, puis au dernier moment tu dis oups. Moi j'en ai un au restaurant, je vous ai pas raconté, la dernière fois j'ai commandé japonais, et du coup j'ai commandé beaucoup, et j'arrive, il me fait, je mets combien de baguettes? 3. Je dis bah non, je suis tout seul. Il dit ah bah désolé, bah il a retiré les baguettes. J'ai eu la honte. Ça c'est des problèmes. Ça se passe comment d'ailleurs? Parce que t'avais dit que tu t'en relançais dans une période de régime là. Mais depuis lundi je fais attention, ma foi. Je mangeais hier soir, j'ai mangé une salade de choux. Ce régime. C'est bien, c'est bien, salade de choux. Ouais, avec des noix et des. Et un burger. Coach Martin Garrix, Chain Smoker. C'est ce que vous entendez derrière nous là, ça va arriver. Le problème, Elliot, du régime, c'est pas juste je fais deux jours et ce soir je mange un burger. C'est ça ton problème? Moi, c'est tous les 4 mois, ouais. Je fais des sessions de 4 mois. Et après, des 4 mois de gros. Mais c'est le régime yo-yo, c'est le plus mauvais pour ton cœur. Écoute, papa. Bah papa oui, qui oui. Te parle. Et mets pas les coudes sur les tables, on t'a déjà dit. C'est pas possible, c'est 8h36. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Delphine, putain, et c'est un derby. On a un derby du Nord, les amis, ce matin. Delphine a 32 ans, elle habite à Roubaix. Applaudissements pour Delphine. Coucou la famille. Yeah. Bonjour Delphine. Formation coiffure, Delphine. Oui. Pour travailler plus tard dans un garage automobile, hein, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, comme tout le monde. Delphine, ce matin, tu joues face à Alexandre. Alexandre, je disais derby du Nord, il est à Waterloo. 21 ans, technicien de maintenance dans l'incendie. Applaudissements pour Alexandre. Bonjour. Ça, j'aime bien ce titre. C'est Enrique Iglesias. Exactement. On le passe ça sur Fun Radio ou non, pas? Non, pas du tout. Ah, c'était... Des fois Fun Radio... Là, on le passe là. Mais oui, mais je comprends pas. Des fois Fun Radio, on passe Kenji et on met pas ça. Alors que ça, regarde ça. Et ça, et retour de vacances, tu vois, tu prends le boulot, t'es un peu énervé, t'es dans les bouchons, t'as le... Hey, t'as envie de manger de la paella. Ah, t'as envie de manger des churros. Il a qu'à chanter français. Super, mais t'as qu'à être raciste. Non, mais c'est vrai. Alexandre, Delphine, tu sais qu'on est mis en FM, pas en FN, hein, je te préviens. Mais pardon, j'avais loupé cette barre, c'est pour ça. Ouais. Donc, c'est quoi mais ton, ça c'est justifie quoi, ton, pourquoi ton on ne joue prénom, pas. C'est quoi Bruno? J'ai l'impression que t'es plus proche de Golnisch que de Guillaume. Bon, Delphine, Alexandre, c'est un petit peu vous les stars là. Donc c'est vers vous qu'on va se tourner. Delphine, Alexandre, vous pouvez gagner des billets pour partir à Ibiza. C'est un beau cadeau. Oui, un beau cadeau. Pour partir, il va falloir choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire deviner un maximum de mots. C'est le principe du jeu des 30 secondes. Le vainqueur pour l'instant, puisque c'est la nouvelle règle, chaque personne de l'équipe qui gagne remet son titre en jeu le lendemain. Tu joues aujourd'hui pour tenter combien de victoires ? 5. Et 5. Si tu gagnes ce matin, Mika, t'as le record. Je suis chaud. T'as le record de ouf. J'ai peur. Donc, Mika va jouer quoi qu'il arrive, mais avec qui ? C'est à vous de choisir. Qui veut jouer avec Mika de vous deux ? Moi, j'ai envie qu'il gagne. C'est la 5ème victoire, là. D'accord. Ça sera nickel. Alexandre a choisi Mika. Delphine, avec qui veux-tu jouer ? Christina, bien sûr ! Oui ! Delphine, tu me fais plaisir. Alors, Fonf, qui, hormis le fait qu'il est raciste, qu'il soit raciste, prend également des notes par rapport à l'émission. Ouais. La dernière fois que Christina a gagné, c'était le 1er juin 2016. Mais c'est pas sympa de ramener ça sur le tapis. Mais 3 mois et demi. Écoute, Delphine, tu sais quoi ? Ça va être mon grand retour aujourd'hui. On va le faire ensemble. Non, on va tout péter. Delphine, alors avant de tout péter, monte sur une colline parce qu'on t'entend plus. On va commencer avec Alexandre. Alexandre avec Mika. D'accord. Mika, c'est toi qui commence. T'es chaud, Alexandre. Tu joues pour une 5ème victoire. Ouais, mon pote. Il ne connaît pas la liste des mots. La liste des mots, il la découvre au top chrono. Top chrono, c'est parti. Ok, c'est dans les chantiers, c'est très haut, c'est pour monter des trucs en l'air. Ouais, ça, quand tu vas chez le coiffeur, tu fais une de cheveux. Une coupe. Ouais, ça, c'est la fille de ton frère. Ma nièce. Ouais. Comment te dire ça, putain. Non, alors un truc chaud, un potage, ça s'appelle comment ? Une soupe. Ouais, c'est un verbe qui est un peu plus long que soupe. Soupé. Plus long. Soupra. Non. Ah oui, le verbe soupra. Soupirer, les gars. La chute du champion. Non, mais on est sur le mot le plus dur de ce jeu, on est d'accord ? Non. Il a eu Osier, ma chère. Ouais, enfin bon. Moi, Osier, je l'aurais fait deviner, même. Oui. Alexandre. Ça fait 3 points, rien n'est perdu, bien sûr. Delphine. Oh, la pression. On peut y arriver, ma chérie, ensemble. Il faut que tu fasses au moins 3 avec Christina. Christina, t'es prête ? Ouais. Top chrono, c'est parti. Ok. Quand c'est périmé, on dit que c'est. Quand il y a des petits trucs sur de la nourriture, par exemple, ça peut être blanc. Oui. Un blouson, il peut être en. C'est fait en peau de bête. Comment c'est ? Ça s'appelle comment ? C'est noir ou marron ? Les bikers, par exemple, ils emportent des. Oui ! Le petit du cheval, comment ça s'appelle ? Poulain. Oui ! Quand tu te fais bobo sur le genou, t'as quelque chose qui pousse dessus, c'est une ? Non, une ! Égalité ! Égalité. Ça veut dire déjà que si égalité, nouvelle règle depuis hier, demain. On repartira à zéro. Il y aura ça veut dire que tu n'auras pas de 5ème victoire. Au revoir, Mika. Allez, salut. Vous sortez du studio. Non. Arrêtez de vous la péter. Bon, et le mot c'était croûte. Ouais. Croûte. Pour vous départager, Delphine, je vous fais deviner un mot. Avec Alexandre, le plus rapide de vous deux à le trouver repart avec ce voyage à Ibiza. D'accord ? Ok. D'accord. Nickel. Quand un enfant n'est pas sage, et j'en parlais tout à l'heure, à table, on lui dit tant pis, tu seras privé de... Dessert. Alexandre, c'est gagné ! Bravo Alex ! Nickel ! Alexandre, grâce à Vueling, je t'offre tes prochaines vacances et tes billets d'avion aller-retour pour partir à Ibiza. D'accord mon pote ? Top. On t'embrasse fort. Je sens que t'es soulagé. Mika ! Non mais c'est un putsch. De toute façon c'est tous contre moi là, généralement. T'as eu 4 victoires, c'est déjà très très bien. Delphine, on va t'offrir l'agenda Fun Radio pour l'année 2016-2017. On t'embrasse. Ok, merci beaucoup. Bravo. Belle journée ma chérie. Excuse-moi Bruno, c'est Elliot. Je sais que je jouerai plus au jeu de 30 secondes, ça fait 15 ans. Mais est-ce que du coup je peux être le prums s'il y a une égalité pour faire jouer la personne après? Ah si tu veux, bien sûr. Ouais, c'est mon seul moyen de jouer, alors ça serait cool. Prums s'il y a une égalité, c'est moi. D'accord. Ok, cool, on retient hein, s'il vous plaît. Et tu peux aussi ramasser les feuilles où il y a les petits papiers écrits. Et le mettre à la poubelle si tu veux. Ouais, commence pas toi. Tu cherches la castagne, tu vas l'avoir. Martin Garrix. Nouveau Martin Garrix, In the Name of Love. Ça va arriver sur Fun Radio. Et puis on a un moment happy là, un peu ouf avec Thomas qui nous appelle de Périgueux. A tout de suite. Diplo. DJ Snake. Skrillex et les Major Lazer.

On est l'archi élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Bonjour la famille, c'est mercredi, c'est le 14 septembre. Je suis le seul animateur radio de France qui commence à parler sans micro en fait. Quelle journée à foutre. Ah, il faut des micros maintenant pour faire de la radio. Dernière nouveauté. Christina, je peux savoir ce que tu es en train de faire avec le gars? J'ai ma languette qui se décolle. Ah bah tiens. De quoi tu parles de quoi? De mon logo Fun Radio qui se décolle sur mon micro. D'accord. Voilà, c'est très intéressant. C'était une expression peut-être de Nantes. J'ai la languette qui se décolle. Martin, je commence à devenir vieille. Oh, ça suffit maintenant. Ma languette, j'ai ma languette qui se décolle. Ma languette, j'ai ma languette qui se décolle. J'ai le pot percé, j'ai le couvercle troué, j'ai la languette qui se décolle. Mes joues toutes ridées, la moustache qui est tombée, j'ai la languette qui va bientôt se barrer. La culotte tachée, les chaussettes enfoncées. C'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez? Merci Christina. Oh, bon, allez, moment happy. C'est pas grave. Nous avons ce matin Thomas qui a appelé le 3228 pour faire un moment happy. Moment happy, qu'est-ce que c'est? C'est un moment de vie qu'on partage avec vous, auditeurs de Fun Radio. J'avais eu cette idée juste après les attentats du mois de novembre, là il y a quasiment un an, où je m'étais dit putain, donnons un peu de bonnes nouvelles, de trucs qui nous permettent de penser à des choses positives, parce que je suis persuadé que le bonheur c'est contagieux. Et du coup on a gardé ce rendez-vous parce que ça marche bien, et c'est vrai qu'à chaque fois on est content. Et là notamment avec Thomas, qui a 26 ans, qui est à Périgueux. Salut Thomas. Salut. Ah, Thomas, donc, qui parle beaucoup, hein, vraiment. Salut. C'est pas Périgueux, c'est Périgneux. Ah, Périgneux, autant pour moi. Pardon. Et tu vas pas te vexer. Bah, en même temps, Thomas, t'appelles parce que tu vas faire un tour du monde. Donc, de Périgneux à Périgueux, tu peux y passer, tu vois, avant de partir à Kuala Lumpur. Bon, tu vas partir faire un tour du monde, explique-nous. Alors, du coup, je pars le 5 novembre. J'ai pris un billet d'avion pour la Chine. Et j'ai pas de date de retour, je pars vraiment à l'aventure, quoi. Oh, alors ça, moi, ça m'épate. J'imagine que t'as pas de chérie en France. Ah ben non, pour faire des économies, il n'en faut pas. Ah d'accord, ok. Ah, oui, donc ouais. En fait, ouais. Il est radin en plus. En vrai, généralement, le retour, c'est quand t'as plus d'argent, quoi. C'est ça le truc. Ouais, mais le retour, il faut que tu prévois ton billet retour. Là, t'as prévu le billet retour ou pas? Non, t'as juste pris ton billet aller pour la Chine. Non. J'ai juste pris mon billet aller pour la Chine. J'ai pris un billet pour passer Noël en Thaïlande. Ouais. Et j'ai pris un billet pour passer le jour de l'an à Bali. D'accord. D'accord. C'est énorme. Et tu vas être tout seul? Et je suis tout seul avec mon sac à dos. Passer son premier an tout seul à Bali, c'est ballot. Ah ouais. Tu vas rencontrer des gens. Ah, t'as fait une blague? Ouais, oui, Bali-Balo. C'est pas grave. Bon, Thomas, écoute, mais moi, ce que je te propose, t'as une page Facebook? T'as un délire? Non, j'ai pas de page Facebook. Non. Et bah, faut t'en créer une. Crée une page Facebook pour essayer de faire vivre ton voyage sur le net. Ouais, je m'en crée une. Et puis, comme ça, on essaiera de te suivre, tu vois. On essaiera de te passer des petits coups de fil de temps en temps pour savoir où t'en es. Et t'as quoi comme boulot qui te laisse prendre des congés limités? Bah, en fait, je suis chauffeur de car, moi. Dans le tourisme. Ah oui, comme tous les profs sont toujours en grève, forcément il n'y a pas cours, donc ils n'ont pas besoin de toi. Bien joué. Voilà, c'est tout à fait ça, oui. Bon, bah écoute, mon Thomas, je veux t'entendre crier, je suis heureux. Je suis heureux. Et ben voilà, c'est fait. Message est passé. C'est un cours efficace, hein, Thomas. Je peux te dire que. Oui, Elliot. Ça te dérangerait, toi, si je prendrais un an sabbatique? Oh là là là là là là. Ça te dérangerait si je prendrais? Non, c'est si je prenais, en vrai. Ça te dérangerait si tu prendrais nos poings dans la gueule? Non, mais ma langue a fourché, ça arrive à tout le monde. Mais mec, ta langue a pas fourché, ta langue s'est pendue, mec. Non, mais ça veut dire que je t'explique, mais chaque jour, dès que tu ouvres ce micro, au cimetière du Père-Lachaise, on entend des gens crier. On entend Molière qui pleure et qui reprend la pelle qu'il l'enterrait et qui s'en met des coups sur la gueule. Hop, tiens, Molière, voilà. Ça te dérangerait si je prendrais? Ouais, tiens, hop. Même Christina, elle a la languette qui se décolle quand elle entend parler comme ça. Cette équipe se barre en couille. Je préfère vous le dire. Mais s'il doit en rester qu'un, je serai celui-ci, fier et droit comme mon grand-père. Voici Martin Garrix, tout de suite. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all c'est Fun Radio, c'est l'heure du JPI. Le JPI, c'est le journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission. C'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, santé. Selon le ministère de l'Intérieur, seulement 15% des Français savent réagir face à un arrêt cardiaque. Notez que les gestes de premier secours sont très importants à connaître, surtout si vous tombez par hasard sur une chanson de Zaz. Football, la vie à toutes les femmes. Cavani tire souvent à côté. À cause de la forte chaleur qui touche de nouveau la France, les agriculteurs doivent faire face à un manque de pluie inédit pour un mois de septembre. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, j'ai trouvé une solution miracle pour qu'il pleuve. Ah, super Anthony, et c'est quoi alors ? Eh bien, je sillonne la France en voiture avec un système de diffusion stéréo sur le toit. Et je fais péter du Hélène Ségara. Effet immédiat garanti. Continue ma tournée. Ouais, c'est assez insupportable, mais si ça peut aider les agriculteurs, bonne route Anthony. Donc là alors, dans un seul JPI, Zaz et Hélène Ségara. Si jamais les deux se retrouvent aux Victoires de la Musique et que par le plus grand des hasards je suis amené à les animer encore cette année, comment ça se passe? Vous n'êtes pas. On te souhaite une bonne chance. Voilà. Connard. Voilà. Et pour finir, si vous aimez les sites porno et les émissions scientifiques, dites merci Jamy et Michel. Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Merci Elliot. Elliot n'est pas calé. Hein. Mais si vous savez quoi, on va refaire cette vanne de fin puisque c'est écrit sur un papier. Le JPI, c'est le seul moment de l'émission où c'est écrit. Donc refais la vanne de fin. Je vais remplacer Elliot qui n'a pas fait son boulot. Vas-y. Et pour finir, si vous aimez les sites porno et les émissions scientifiques, dites merci. Jamy et Michel. Voilà. Merci Elliot d'avoir foiré ce JPI. En tout cas, ça fait toujours de plaisir. De rien, merci. C'est mon boulot. Toujours là quand on t'attend. Hein. Vraiment, toujours un vrai bonheur. Allez, voici The Chainsmoker, c'est Closer, tout de suite, sur Fun Radio. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So

épisode orageux qui a frappé l'ouest du pays hier soir a provoqué des dégâts. Ce matin, 120 000 foyers se réveillent sans électricité entre le Pays Basque et les Charentes. Les pompiers sont intervenus des centaines de fois, mais aucune victime n'est à déplorer. Mouvement de grève du personnel infirmier. Ils dénoncent aujourd'hui la dégradation de leurs conditions de travail suite à une vague de suicides dans la profession cet été. La grève se traduira par le port d'un brassard noir. La nouvelle mise à jour de Pokémon Go disponible ce matin. Nouveauté pour les joueurs, le compagnon. Vous pouvez désormais marcher avec le Pokémon de votre choix et gagner ainsi des bonbons pour le faire évoluer. Vous pourrez aussi connecter la montre Pokémon Go Plus en vente dès vendredi pour une quarantaine d'euros. Un Français mange chaque année plus de 3 kilos de bonbons et vous êtes de plus en plus gourmand. Selon les chiffres du syndicat national de la confiserie, les ventes de bonbons ont grimpé de 2% au premier semestre de l'année 2016. Le foot, un but partout hier soir entre Paris et Arsenal. C'était le premier match de poule de Ligue des Champions. Cavani a marqué pour le PSG. Ce soir, entrée en lice de Lyon contre le Dynamo Zagreb et de Monaco à Tottenham. Coup d'envoi 20h45. Aux Jeux Paralympiques, nouvelle médaille d'or pour la France. Fabien Lamiro s'est imposé hier soir en tennis de table. C'est la 12e médaille pour la délégation tricolore à Rio, la 4e en or. 9h passées de 4 minutes. Merci d'avoir choisi Fun Radio. C'est la fin de Bruno dans la radio. Bonne matinée. Mercredi, c'est le 14 septembre, c'est Fun Radio, vous écoutez 9h04, bonjour! Bonjour! Fun Radio, le son Dance Floor, c'est Major Lazer, Justin Bieber, ça va arriver dans quelques secondes, c'est Jonas Blue, Perfect Stranger, c'est Kungs! Avec These Girls, ou encore le nouveau Sac Noël, Trompettes! L'équipe de Bruno dans la radio qui est là ce matin, comme chaque jour, c'est pas prêt de s'arrêter, je peux vous le dire. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour. Et puis, tiens, je vais faire un truc que je fais pas souvent, et Dieu sait que c'est plus un oubli et un manque de temps, mais vous savez que très souvent, nous avons des auditeurs qui viennent nous rendre visite dans le studio de Fun Radio, qui viennent assister à l'émission. Je rappelle que voilà, on est la seule émission de radio à faire ça le matin. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous pouvez venir assister à l'émission. Il suffit juste de faire une demande, christina@funradio.fr, c'est Christina qui gère. En général, on fait ça en petit comité, maxi 5-6 personnes, pour que vous passiez un vrai moment avec nous et qu'on puisse vous parler, parce que le but, c'est que vous viviez un truc un peu convivial. Et donc, ce matin, on a deux auditrices qui sont venues nous voir. Est-ce que vous pouvez venir au micro de Christina, les filles, vous présenter rapidement. Toi, ton prénom, c'est Mélanie. Mélanie, tu viens d'où? D'Abbeville, en Picardie. D'Abbeville. Et toi, ton prénom, c'est C'est Violette, et tu viens d'où? Aussi Picardie. Elles sont venues nous voir ce matin. Et alors, je voudrais saluer cette équipe, puisqu'on a très souvent des auditeurs. Hier, par exemple, il n'y avait que des gars. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a des mecs qui sont venus, et donc, il y a des mecs qui étaient là, qui étaient extrêmement sympathiques. Ouais. Elliot, Vaché, leur ont dit par politesse bonjour. Histoire et puis après, deux, ouais. Voilà, ils étaient derrière moi. Moi, j'ai un peu parlé avec eux parce qu'en général, les auditeurs sont assis derrière moi. En fin d'émission, on a fait une photo et puis, et puis voilà, et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, ouais. J'ai Sauf gardé, que ouais. Depuis ce matin, depuis 6h30, voilà. Les amis, depuis 6h30, on a eu le droit. Alors, je vous fais un cumul. Entre Elliot qui a demandé ça va bien, comment ça se passe votre boulot, machin, etc. Ouais. À peu près 14 fois. Vaché, les amis, vaché. Vaché qui a payé le café quand même. Il a payé un café, mec. Ouais. Vaché, il leur a payé un café. Oh, Mika du JPI. Ouais. Jamais là, il écrit le JPI. Il est passé là. Ce matin et on peut faire des fils Snapchat. Vas-y, je prends des photos et tout ça. Mais non, tu déconnes. Les amis, vous êtes bien des crevards, je peux vous le dire. Voilà. Excusez-moi de vendre un peu la truc interne. Et regardez, le mec qui s'appelle Vaché qui ne dit rien depuis tout à l'heure parce qu'il dit, putain, il est 9h10, ma meuf écoute. Ça dégueulasse parce que j'ai payé déjà des cafés aux auditeurs plein de fois et je les invite à témoigner sur plein de fois. Ce oui. menteur. Mais mec, déjà plein de fois, peut-être 3 fois parce que je fais pas ça souvent. Mais là, c'est parce que toi, t'avais payé la première tournée. Mais mec, et si des gens doivent témoigner sur le fait que tu payes le café, ils sont seuls qu'ils aillent sur MSN. Tu sais quoi? Tellement ils sont peu nombreux. Ah, ils je vais les retrouver. Ça vous dérange de prendre une photo avec nous après les filles, après l'émission? Ah, mais lâchez-les un peu. Oh là là, mais vous êtes tellement. Non, mais en plus, enfin, c'est bon, on va pas parler comme ça d'elles. Déjà, on ne dérange pas les princesses. Normalement, elles étaient assises tranquilles. C'est vrai. Et je leur ai dit que dès qu'elles sont rentrées, je crois que je vous ai déjà vu. Ah oui, en fait, c'était dans un rêve. Voilà, mais ça je le dis à tout le monde. Et, oh, le lover. Bon, les filles, au-delà de tout ça, vous avez passé un bon moment. Est-ce que c'est ce que vous entendez à la radio? Ouais, c'est la famille, voilà. Les filles, au-delà de tout ça, est-ce que vous êtes célibataire? Non. Non, désolée. Ah oui, mais Yot regarde la deuxième personne, du coup. Alors ah, elle a dit oui. Oui. Ok, fermez les portes de ce studio. Ok, elles étaient venues assister à une émission de radio, quand soudain, tout a basculé. Après, moi non plus, je suis pas célibataire, on peut dire que ça annule. Oui, bien sûr. C'est gênant ce qui est en train de se passer. Moi, je regarde mon téléphone depuis tout à l'heure, je vais recevoir un SMS. Ouais, moi, si on pouvait passer à la suite, vite. Les amis, c'est l'heure du top 3. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top, gracias mucho. Les trois meilleurs moments de l'émission sont compilés par Elliot. C'est le top 3 et on attaque avec le numéro 3. Numéro 3. Et je vous aime bien, vous auditeurs de Fun Radio, parce que vous voyez vraiment tout. Vous laissez rien passer. Vous pouvez tomber, par exemple, sur un des membres de l'équipe sur BFM TV en plein après-midi. C'est ce qu'un auditeur est venu nous raconter aujourd'hui. C'est ce qu'un auditeur est venu nous raconter. Récoutons. Ouais, j'ai cru voir un mec crâne rasé, lunettes à poste, en mode resta dans sa bagnole, interviewé, et je me demande si c'était pas Nicolas D-Web, quoi. Alors, tu sais quoi, nous avons récupéré le son de ce reportage qui passe depuis ce matin sur BFM TV, écoutez. Le trafic augmente sur cette rue parallèle de près de 40%. Ça me double, voire triple le temps de trajet, donc c'est vraiment chiant pour moi. Est-ce que Nicolas, tu peux répéter cette phrase? Ça me double ou ça me triple le temps de mon trajet et c'est chiant pour moi. Ça me double ou voire triple le temps de trajet, donc c'est vraiment chiant pour moi. C'est bien lui. En tout cas, on disait que sur Fun, c'était le gars qui passait son temps à se plaindre et sur les réseaux sociaux, sur BFM aussi. Le mec continue. Il est là, mon Nicolas. C'est énorme. Vous allez me le déprimer, mon Nicolas. Oh. Et après, il va se faire saper le moral par ses collègues de travail. Check. Non, mais déprimé, vous rigolez. Il a fait une capture d'écran de l'image qu'on voit de lui sur BFM TV. Il l'a posté sur les réseaux sociaux en mode beau gosse, quoi. En mode kékos, ouais, surtout. Non, j'ai rien à dire. Ça va, Nicolas? Non, mais ça, Nicolas, il a l'air malheureux en ce moment. Nicolas, mais si, quand il arrive, tu vois, je l'ai vu arriver dans la rue ce matin. Il y a cette musique qui l'accompagne quand il marche. Détrompez-vous, Nicolas, c'est comme le chien de Télé Z. Tu sais, comparaison. Ils ont des regards qui font qu'on dirait qu'ils sont tristes. Mais en fait, non, à l'intérieur, c'est la fête. C'est juste dans l'attitude. Et c'est vrai que Nicolas, il a ce côté un peu lent et tout. Mais c'est d'extérieur, juste. Non, mais c'est pas. Attends, je suis en train de te défendre. Je suis pas le meilleur des avocats. Non, c'est juste chiant ce que tu dis, c'est tout. Merci, Nicolas. Ça va en ce moment? Oui. Regarde, il remue la queue. Comme le chien de Télé Z. Numéro 2, je voulais revenir sur un moment, c'est à l'entour de 6h50. On a eu Théo qui a 14 ans, et c'est pas bien ce qu'il a fait, Théo. Il a voulu se moquer de sa prof qui avait un accent chinois. Il l'a fait en classe, il a dit des conneries. Et le problème, c'est qu'il y a... comment tu t'appelles, toi, en face de moi? Vachelet, c'est ouais. Ça ton prénom? Salut. À force de faire l'accent chinois, il se prend pour un chinois maintenant. Il défend la communauté, écoutez. Et là, moi, j'ai fait l'erreur du jour. J'ai dit madame avec l'accent chinois, mais sauf que sans faire exprès. En plus, j'ai dit maman. Ouais. Du coup, ça a donné un truc genre maman, et résultat, je suis collé 2 heures famille. Ouais, bah, hey, tu l'as bien cherché quand même. Théo, tu le sais, il ne faut pas te moquer de ta professeure de canatin. T'es pas bien. Nous, les vrais Chinois, on prend ça hyper mal. T'es super avec ça, trouve à ce moment. On a quitté le pays dans une barque avec nos sapots pointus pour refaire notre vie et faire du karaté tranquille, pépère. Pépère. Et pas se faire moquer la gueule par des connards comme toi. Théo, on t'embrasse, mon pote. Merci, salut, enfin, salut tout le monde. Oui. On t'embrasse, mon pote. Bientôt, on embrasse tous les Chinois. Ouais, bien. Non, mais tu sais quoi, franchement, c'est. Il va falloir qu'on arrête un jour, hein. Ouais, on va se faire engueuler. C'est cliché là. Ouais. C'est limite raciste, faites attention. Ah, on va se prendre des coups de baguette. Je te jure, j'ai un pote à moi asiatique qui était à la radio l'autre jour. Il y a quelqu'un qui lui a appelé parce qu'il savait qu'il était à Fun. Son téléphone a sonné. Ça, c'est sa sonnerie de son téléphone. D'accord. Et il était chanchon, vraiment. Numéro 1. Vous vous arrêtez jamais, quoi. Ah non, désolé. Allez, numéro 1, je voudrais revenir sur le répondeur des enfants. C'est tous les mercredis à 7h, on met un répondeur à disposition des enfants pour répondre à une question. Et la question du jour, c'était: quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Il y a eu plein de réponses, j'en ai sélectionné une parce que Christina a dit une connerie derrière, vous allez comprendre. Bonjour Bruno, et si j'étais une super héroïne, mon pouvoir, ça serait de grimper sur les murs pour après faire peur à ma mère. Au revoir. Mais c'est horrible. En général, t'as des films d'horreur qui sont comme ça quand t'as les petites filles possédées, tu sais, qui se retrouvent au plafond. Là, c'est horrible. Ouais, en général, c'est que t'es possédé. Quand tu commences à courir sur les murs, il y a un truc qui va pas. Ouais. Moi, dans les films d'horreur, vous savez que c'est mon truc qui me fait le plus flipper, c'est ça. Ah ouais. C'est les filles. Et qui marchent, alors pas forcément sur les murs, mais qui marchent, tu sais, en saccadé. Elles sont démantibulées, ouais. En fait. Ouais, c'est comme ça, c'est le terme. Les démantibules. Déjà, c'est démandibule. Démantibulé. C'est juste qu'on le dit pas souvent à l'antenne. Ah ben, on ne le dit jamais. Alléluia, les amis. Démantibulé, ça a été placé la dernière fois en radio. C'était sur Radio Paris en 42. L'animateur disait: les Allemands sont en train de démantibuler Paris. On l'avait pas redit depuis, c'est sûr. Sûr et certain. Les amis, vous m'avez fatigué ce matin. Encore? Ça fait quand même depuis vendredi dernier, ouais. Hein, qu'on te fatigue. Cette émission est en train de devenir n'importe quoi. Nous avons tenu 5 semaines sur Fun Radio et depuis la rentrée, plus de filtres. C'est vrai. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que cette saison sera ma préférée. On devrait arrêter maintenant. Qu'est-ce qu'on en a foutu? Alerte people. Et une info qui vient de tomber, puisqu'hier soir, il y avait le match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Ouais, match nul, un partout. Oui. Je crois que les supporters parisiens sont un petit peu déçus ce matin. Bah, je disais, voilà, quand t'es Paris, c'est un peu comme les garçons qui sont éjaculateurs précoces. Quoi, ouais. Tu vois. Ça, au bout de 42 secondes, c'est l'extase. Et après, tu te fais chier pendant une heure et demie. Voilà, disons que Cavani a raté autant d'actions que de vannes de moi ce matin. Quoi. Et ben moi, j'ai une info qui concerne Serge Aurier, qui a dû jouer, je pense, hier soir. Il a joué très bon, ça. Pareil, il a raté aussi. Non, très très bon hier. Bah, il a raté une occasion aussi. Bon, en tout cas, c'est confirmé. Il sortirait avec une star de télé-réalité. Ça se confirme ce matin, je vous jure. C'est Mila. Alors, Mila, on peut la voir dans Les Marseillais vs Les Ch'tis vs Le Reste du Monde. Elle était, par exemple, avec Vincent Deschtis. Ils ont été en couple pendant un petit moment. Ils sont séparés. Et là, maintenant, elle est avec Serge Aurier. Eh bien, elle était dans l'équipe des Marseillais ou des Ch'tis? Ah ben, ça, je sais pas. Ça, faudrait me dire. Ça, reste c'est du monde. Qui sait. Elle était dans Le Reste du Monde? Ouais. Aucun des deux. C'est une brune aux très, très, très gros seins. Et fesses. Ouais, ouais, heureusement qu'elle n'est pas marseillaise, parce que ça, le Paris Saint-Germain nous en a mis assez au fond cette année, quand même. Allez, on s'en va. Gloire au Châtelain! Gloire au Châtelain! Bonjour les amis, comment ça va? Très bien. Et vous parlez de... Vas-y. Je veux pas te couper, c'est toi, t'es chez toi. Vas-y. Bon, je voulais juste vous dire ce que vous parlez. Attends, d'accord, je vais le dire. Non, pardon, excuse-moi. Non. Vas-y, tu voulais parler? Oui, je voulais juste te dire que du coup, hier... Il y a le patron qui... Vas-y. Allez, non, bah, c'est gênant. Le respect, vas-y. Non, c'est toi. À partir de 9h, normalement, c'est toi. Donc, c'est vas-y. Vrai. Ouais. Bon, je voulais juste, moi, te dire que. Parce je le dirai demain, par contre, parce que c'est. Ouais. C'est le patron. C'est... Ah, pardon, je fais celui-là. Parce qu'après, ça peut durer longtemps comme ça. On dirait un sketch de Charlie, dis-nous. C'est... Ah ouais. Ils sont revenus. Parce que moi, j'avais un truc à dire, tu vois, mais c'est. Ou Las Palais, c'est. Les chevaliers. Vas-y, je voulais dire quoi? Juste vous dire, les amis, que vous avez parlé d'une émission. Moi, ça, c'est pas possible. Hier, j'ai regardé un replay, et sans vanne, mais tu vas te foutre de moi, des secrets d'histoire. Donc, Bruno, tu disais que t'avais un texto du patron. Non, mais attends, c'était sur les châteaux de la Loire, avec Stéphane Bern. C'était génial. Mec, tu sais quoi? Je crois que tu t'es gouré de radio, en fait. Non, mais si, vraiment, je te jure. Depuis le début, il est persuadé qu'il est signé Europe 1. Et qui va parler d'histoire et de cheval tous les matins. Et on lui fait chier à lui demander de passer Major Lazer et Justin Bieber. Moi je vais aller voir Stéphane Bern juste parce qu'il est dans la radio juste à côté. Donc je vais aller lui dire bonjour quoi. Et bah tu sais quoi, vas-y. Ouais. Voilà, mais maintenant et pour toujours. Bah j'y vais. Et en attendant, j'anime ton émission. Et tu reviens avec Stéphane Bern. Voilà. Je te fais le débrief demain. Allez les amis, on vous embrasse. On sera là demain dès 6h. Bisous. Ciao. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold.